Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 de l'Horreur Gamer Show. C'est sur le micro avec vous et je suis pratiquement seul avec Sébastien Bouchard, mon partner. Comment ça va, Seb? Je te watch quand t'es tout seul. Ouais, ben c'est pour ça que je te dis, je me sentais presque seul parce que tout seul avec toi, ça veut dire que je vais être obligé d'en faire beaucoup. C'était presque chien, ça. Ouais, c'était presque chien, mais je sais que tu veux pas. T'es pas sincère. Ah. J'ai reconnu dans ta voix. Comment ça va, Seb? C'est la voix du mensonge. Ça va très bien. Quoi de neuf par chez vous, mon cher Seb? Hey, ben écoute, je suis un gars très occupé. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose, à part que j'ai commencé, man, The Last of Us. Ouais, ben raconte-moi donc comment c'est The Last of Us. Je pense que j'ai pas touché à aucune de mes consoles depuis 3 semaines. Ben, écoute, je touche pas à mes consoles beaucoup ces temps-ci non plus, mais quand j'ai reçu par la poste ma précommande The Last of Us, j'ai pas eu le choix de la mettre dans le PlayStation 3. Et là, depuis qu'elle est dedans, elle veut plus sortir. Et puis elle m'appelle, tu sais, viens jouer avec moi. Fait que j'ai pas le choix de jouer une blonde de même. Et premier soir que j'ai joué, ma blonde était fatiguée, mais elle dit ah, je veux dormir dans le salon à côté de toi, tu sais, cute de même. Oh. Puis là, tu sais, toutes les lumières fermées, elle dort sur le divan, moi je joue, le son quand même assez fort. Et là, man, je freak. Mais j'ai vraiment la chienne. Ah, oh, ouais? Ah, oh, man. À un moment donné, il a vraiment fallu que je paye suppose puis que je me dise, Sébastien, calme-toi, là. C'est juste un jeu. La dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était le jeu Call of Cthulhu sur PC. J'étais en train de le faire, là, sur l'Xbox original. Ben, j'étais en train, ça fait longtemps que j'ai pas touché, là, mais j'étais en train de le faire. J'aime Écoute, beaucoup. C'était excellent, ce jeu-là. C'était l'autre jeu qui m'avait fait dire « Sébastien, calme-toi, c'est juste un jeu. » Tu sais. Non, écoute, jusqu'à maintenant, j'ai rien à redire sur The Last of Us. C'est un excellent jeu. Moi, Naughty Dog, regarde, c'est une compagnie que j'adore. C'est fiable, hein? Oui, c'est très fiable. Il renouvelle pas vraiment toujours le genre. Là, tu sais, je veux dire, Uncharted, c'était du Tomb Raider. C'était des trucs qu'on avait déjà vus. Mais peu importe ce qu'ils font, ils font bien. Ah, c'est fait ce qui compte, dans le fond. C'est ce qui compte. Regarde, tu sais, oui, des fois, l'originalité, c'est trippant, mais quand tu tombes au moins sur quelque chose que tu fais, ah, oh, ça ressemble à ça, puis ça ressemble à ça, ben, au moins, si c'est bien fait, puis si ça surpasse ses influences, ben, c'est un bon jeu, puis pour l'instant, The Last of Us, ça livre la marchandise. Excellent, ça. Hey, Seb, de répéter au dernier épisode, j'avais dit que c'était pas bon de coller la shot de qu'est-ce qu'on était parlé au prochain parce que ça plantait toujours. Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu me vois venir? Je sais pas. La trilogie était sûre, Seb. Écoute. Non, écoute, je vais expliquer, je considère que je suis dans le tort pour celle-là. Je vais expliquer à nos auditeurs. C'est que la trilogie Tetsuo, c'est des films qui sont quand même assez lourds. C'est des films qui sont expérimentales. Attention, quand je dis expérimental, là, pour les non-initiés, là, ça veut pas dire pas maîtrisé. Là. C'est juste que c'est des films où tu oublies complètement les codes narratifs du cinéma ordinaire, là, je veux dire, pour raconter ton histoire. Mais c'est ça, c'est des films qui sont très lourds. C'est des films que moi, j'écoute depuis des années. Ben, que j'écoute depuis des années, on s'entend que je les suis depuis leur sortie. Ce qui fait que j'ai eu le temps de les voir plein de fois. Puis là... Les assimiler, en effet. Puis là, je me dis, je me retape la semaine dernière, la trilogie Back to Back, je me dis, oh my god, il y a du matériel là-dedans, ça n'a aucun fucking sens pour faire écouter ça à du monde qui l'ont jamais vu. Puis là, je me sentais mal. Puis là, c'est là que tout le monde m'a choqué. Puis toi qui me dis hier, peut-être qu'on n'aura pas un super de bon show, ça marchera pas, on n'a pas assez de matériel. Puis je comprends, c'est totalement de ma faute. Là. C'est vraiment un bad call. Honnêtement, il va falloir que je les écoute une fois toutes les trois. Puis que je les réécoute une fois toutes les trois pour pouvoir en parler. Oh. Parce que j'ai écouté le premier, puis le premier, je me lancerai pas loin dans ma critique, là, mais j'ai saisi ce qu'était ce premier film-là 10 minutes avant la fin. Ben, t'es pas seul, ça. Je pense que ça arrive à tout le monde. 11 minutes avant la fin, je criais « Maudite merde, c'est quoi cette cochonnerie-là? J'ai pas de plaisir, c'est mal fait, ta-ta-ta-ta-ta. » Puis là, 10 minutes avant la fin, j'ai fait « Oh my God! Ouais, » c'est ça, ce film-là? Mais c'est bien hot! C'est là, j'avais le goût de peser suppose tout de suite, puis de revenir au début, puis de recommencer avec en tête ce que je venais de catcher. T'sais. Je comprends ça. T'es vraiment pas le seul à voir ça comme ça. Mais je vais en profiter pour lancer des excuses à Maxime Duclos qui m'a jasé que lui, c'est un fan des films et qu'il avait hâte d'entendre qu'est-ce qu'on avait à dire dessus. Mm. On fait juste reporter show. On va le faire éventuellement. Pas tout de suite. J'ai hâte d'en jaser, là. Oh oui, ben oui. Puis je vais même, je le dirai pas parce qu'encore une fois, ça va chier si j'en parle, mais on va peut-être avoir un invité spécial qui va nous venir en jaser avec nous autres. Ça serait bien intéressant. Parlant de choses qu'on n'en parlera pas, on s'enligne pour du gros, ben, du gros changement. On s'enligne pour quelque chose de nouveau sur Horror Gamer que je ne peux pas parler, mais je veux juste dire aux éditeurs que, oh, tâchez votre truc avec de la broche, on s'en vient avec des grosses bottes pesantes. Ça va fesser. Ça va fesser. Il y a de quoi de gros qui s'en vient, puis on a ben hâte de vous en parler. Le seul changement qu'on a fait jusqu'à date, c'est changer la tune d'intro. D'ailleurs, je sais même pas si je vais la remettre cette fois. Ouais, ben, c'était spécial, mais moi, j'ai pas eu ça. Ouais, ben, c'est parce que ça fit avec du visuel, mais ça fit pas juste en audio, je trouvais. Je vais peut-être trouver autre chose pour ce show-là, je sais même pas. Il va falloir qu'on soit rendu une web télé, là. Oh, je pense pas que j'ai les couilles assez solides pour ça. Je pense que c'est beau pour ça. J'ai regardé Bruno et Papa Cassette. C'est ça, j'ai regardé Bruno et Papa Cassette. Ils sont donc jolis. Puis moi, non, j'ai pas le charisme pour ça. Mm. J'ai autant de charisme que ton dos dans ton dernier fun de regarder film. c'est vrai que je pourrais être frère. Hey, je vais faire le tour vite dès que j'ai écouté dans les dernières semaines parce que je t'avais parlé que ma collection avait. Ben, j'ai comme flashé dernièrement, puis je me demande si j'en ai parlé, mes Stitches. Hey, j'ai commencé hier, je me suis endormi dessus. Parce qu'il était 3h du matin, pas parce qu'il était mauvais. Man, j'ai vraiment hâte que que t'aies fini, puisque je voudrais qu'on en jase. Pas nécessairement faire un podcast là-dessus, là, mais quel film! Quel film. Écoute, j'en parlais hier soir, pas plus tard hier soir, avec Marc-Antoine Labonté du podcast Horreur Web. Puis il arrêtait pas de comparer ça au premier Hatchet. J'ai dit, regarde, si tu veux me vendre quelque chose, tu compares au Hatchet 1, c'est certain que, écoute, c'est ouais, tu piques mon attention. Y a quoi là-dedans? Ça faisait longtemps, ben je pense que c'est depuis Hatchet 1, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film où ce que le méchant m'intéressait, j'avais le goût de suivre son histoire, il y avait une belle mythologie autour. Bon, ben moi, je vais probablement me le retaper ce soir, là, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ah oui, d'un dernier slasher, là, c'est The Best. À part de ça, moi, je me suis tapé le fameux Troll Hunter, je sais pas si t'as vu ça. Je l'ai commencé, écoute, je l'ai acheté, et je l'ai pas terminé encore, mais je veux le finir. Ce film-là avait tellement été hypé au bout, un coup qu'il est sorti, toutes les critiques ont dit, bah, c'est comme juste meh. Fait que moi, je voulais pas y aller avec les critiques un peu. Je veux toujours me faire mon propre avis. Mais j'ai attendu de me laisser mon... Comme le fait de descendre un peu, question de pas avoir trop d'attente pour ce film-là. Je l'ai écouté, puis ça a fait... Ah ouais? C'est pas mauvais, c'est pas génial, c'est correct. C'est... Fait que mon mec qui a fait en sorte que quand je l'ai arrêté parce que j'étais trop fatigué puis que je n'ai pas continué, il était peut-être justifié. Ben, je te dirais que si t'as vu le trailer, t'as vu tout ce qu'il y a d'over the top dans le film. C'est pas super. J'ai vu aussi, écoute, tu sais, des films d'exorcisme pis de possession, là. Il y en a dessus, c'est ancêtre, c'est fourrette. Je les mêle, écoute, je les vois toutes pis je m'en rappelle plus. Les titres sont tellement banals, mon gars, en plus. Ouais, Devil Inside, Possession, Haunting. Ben, justement, The Possession, je l'ai écouté cette semaine. Puis il a fallu que j'écrive le nom pour me rappeler que c'était celle-là. Je l'ai trouvé pas pire. J'ai trouvé original pour une fois. Je l'ai bien aimé. Ouais. Je te dirais que moi, ce qui a fait le film, c'est la fille. La petite fille? J'ai trouvé excellente. Totalement, mon gars. Moi, là, regarde, pour des scènes aussi banales que quand elle parle avec son beau-père dans le garage, ou quand elle la regarde assis à sa balançoire, tu sais. Ouais, il y a quelques effets spéciaux vraiment choquants. Des affaires originales qu'on a vues là-dedans. Sérieusement, j'ai apprécié pas mal. Il est au-dessus de la moyenne de ceux que je me rappelle jamais de ce que c'est parce que justement, ils sont tous pareils, là. Mais lui, de Possession, j'ai vraiment. Tu sais, je l'ai écouté cette semaine, puis ça a pris comme 10 minutes après, je l'avais acheté. Ouais, écoute, il tire son épingle du jeu, puis il prend sa place, comme tu dis, à travers tous ceux-là qui sont sortis dernièrement. À part ça, The Awakening, un autre titre banal que c'est dur de se faire une image du film quand tu penses à ça. Extraordinaire, The Awakening. Histoire de maison hantée pour vulgariser la patente, là. Ouais. tu sais, il y a tout justement pour pas que ça soit des choses qu'on a déjà vues. Super dans mon film qui porte à réflexion, qui a vraiment une bonne profondeur. Là. J'ai adoré The Awakening. Ok, j'ai pas encore à donner. Je passe souvent devant au club vidéo. Donne-toi la peine, tu le regretteras ouais? vraiment pas. Ne serait-ce que pour la performance de l'actrice principale, que j'ai oublié son nom. Sérieusement, c'est de la bombe. Excellent. Kill List, j'ai reçu le DVD de ça cette semaine. Ah ouais? Je sais pas quoi dire tellement j'ai. Tu sais, mindfuck total, j'ai adoré ça. Ça m'a jeté à terre comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film agréable à regarder à ce point-là. Sérieusement, là. Un des rares films que justement, il a fini. Puis là, avoir eu le temps, là, je repaisais sur Play, je le réécoutais tout de suite. Oh wow! À ce point-là, j'ai capoté, c'était solide. Et dans ma liste d'écoute. C'est juste que j'ai pas encore donné sa chance, là, mais justement, encore une fois, je sais que Marc-Antoine Labonté, web, a trippé sur ce film-là. Puis moi, d'habitude, quand lui trippe sur quelque chose, ça tombe sur ma liste immédiatement, puis je l'ai pas encore donné sa chance, mais c'est sûr et certain que je le fais. Il faudrait qu'on arrête de dire son nom parce qu'il va falloir y charger de l'argent. Ben oui, quoi. C'est ça. On pourrait peut-être utiliser le diminutif mal. C'est bon. C'est bon, ok. On a parlé avec le mal. Hey, à part de ça, j'ai écouté. Ça, tu vas être jaloux. Je sais que t'es déjà jaloux. Je me suis tapé ça. La première saison de la série Tales from the Crypt. Oh, man. J'aime tellement ça, man. C'est toutes des petites histoires cute, boboche, avec des. Tu sais, jamais trop approfondies, mais toujours intéressantes. J'adore cette série-là. Ça a bercé mon enfance, ça. Pas moi, hey, sérieusement. Mes premiers contacts avec l'horreur, tu sais. Je les ai jamais vus, moi, avant l'année dernière que j'ai commencé à les acheter. J'avais jamais vu ça. Écoute, j'écoutais ça à la télé quand j'étais jeune, en anglais. Je pourrais pas te dire le poste. Puis je me rappelle, ça passait soit le vendredi ou le samedi soir à 11h minuit. Là. Tu sais, là, l'âge où je pouvais commencer à me coucher à cette heure, dans les heures tard, là. Oh, puis là, oui. Ça passait à la TV, puis c'était mon petit interdit, là. C'était comme le petit truc que j'écoutais, puis que je me disais, pas sûr, je serais supposé d'écouter ça. Et je trippais. Puis aussi, Tales from the Crypt, c'était aussi un talk show le samedi matin ou le dimanche matin. Un talk show, un genre de. Tu te rappelles les genres de trucs à les zigotos, tout ça qu'on avait ici, là? Ouais, ouais. Ben, il y avait Tales from the Crypt. Le TV show avec des jeunes qui participaient à des jeux, puis afin de gagner des prix. Là. Oui, comment ça, j'ai jamais vu ça? Écoute, tu revois ça sur YouTube, c'était quand même pas pire pour l'époque. Là. Il y avait une couple d'effets en CGI là, avec des fonds verts et tout ça, puis ça faisait la job. Sérieux, c'est je comprends pas pourquoi que ça n'a pas plus duré que ça. Ça avait du potentiel. Bon. Hey, on va parler d'une anthologie ce soir. J'en ai écouté deux autres en dehors de celles qu'on va parler. Dont Creepshow 3. Savais-tu qu'il y avait un Creepshow 3? Je l'ai vu au HMV, mais genre il était à 35$, quelque chose de même. Fait que j'ai pas osé l'acheter. Je me suis dit, moi, sûrement le magasin, c'est net. Ça n'a pas rien donné. Es-tu bon? 35$, écoute, j'ai payé le mien 4, puis c'est le 4$ le plus dégueulasse que je regrette le plus au monde. Ah ouais? C'est dégueulasse. Mais attends, ce film-là a le cœur à bonne place. Là. C'est une anthologie. Ils veulent leur donner l'espèce, tu sais, les petites histoires simples des 50s, un peu justement comme Tales from the Crypt. Mais ça a été fait par du monde qui probablement qui n'oeuvre même pas dans le monde du cinéma. C'est dégueulasse. Ah, ouais. Tu sais, scénario dégueu, dialogue, ça a pas de sens. La réalisation, je vais même pas en parler, ça a juste no fucking sense. Le pire CGI que j'ai vu de ma vie, ceux qui me suivent sur Instagram peuvent le voir, je l'ai posté aujourd'hui, je pleurais. Non, sérieusement, Creepshow 3. Pourtant, le premier, tu sais. Ah, le premier du bon monde en arrière de ça. Le premier était très bon, le deuxième était pas pire aussi. Ouais, mais le troisième, écoute, il a été fait en 2007. Là. Il est vraiment out of the way, puis il n'y a rien à voir. Là. Malheureusement. L'autre anthologie que j'ai écoutée, c'est Steph Terreur qui m'en avait parlé, puis il m'avait dit « Écoute ça, puis tu me diras comment tu l'as pas aimé. » Fait que là, je me demandais quoi. C'est Scary or Die. Ouais. Il n'avait parlé plus ou moins en bien dans notre épisode sur Maman. Ouais. C'est ça. Ah ouais? Ah, c'est que c'est mauvais. Oh. Ouais, encore une fois. Même pas genre une histoire qui sort du lot, un petit quelque chose, non? Écoute, sur le poster de Scary or Die, on voit un clown qui est fucking evil, man. Tu te dis, ouais. Ah, mais ça va être malade. Non, man, dans son histoire à lui, le clown, il pleure tout le temps, man. C'est une super... Quoi? Oh, c'est une sad story, man, d'un gars qui se... Ah, oh, man, c'est mauvais, man. C'est bad, bad, bad. Et c'est ça. Une autre affaire, la dernière chose que je veux parler, man, j'ai fait une découverte. Tu sais, des fois... on fait des blind buy. Ben moi, je suis un fan fini de YouTube. Je regarde des channels sur YouTube de monde qui font juste montrer leur collection de films d'horreur. Je suis de même, moi. Je me suis mis chum avec ben du monde dans ce domaine-là, puis je fais des échanges avec eux autres. Puis je suis tombé sur quelque chose. Un gars qui me dit, man, ça te prend ça. Une compagnie de distribution qui s'appelle Necrostorm, OK? C'est italien. C'est une. Ils ont deux films à leur actif. Il y en a deux autres qui s'en viennent. Les deux films, je les ai commandés. J'ai écouté ça. Le premier s'appelle Adam Chaplin. Le deuxième, c'est Tater City. Eh hey, oui, t'es tellement teasé, ça. My God, écoute, c'est l'équivalent de. Tu sais, quand on a parlé de Father's Day, là, d'Astron 6, imagine. C'est d'imaginer ça, sauf que les films se prennent ultra au sérieux. OK, ça se prend au sérieux. C'est les films se prennent ultra au sérieux. C'est du CGI. Écoute, ces gars-là, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde autour de ces films-là, c'est les maîtres dans le CGI dégueulasse qu'ils sont capables de très bien utiliser. Ça en est le fun à regarder. Parce qu'on s'entend que c'est des films à micro-budget, là, c'est vraiment tout petit. Et c'est un fucking gore-fest. Quand tu dis là, des coups de hache en pleine tête, que tu vois tout, c'est bien évident que c'est du CGI, c'est bien évident qu'il y a des chaudières de fake blood utilisées. Mais c'est bien fait quand même pour du CGI, boboche. Honnêtement, j'ai eu du fun à écouter ça. C'est clair que je vais en parler dans un show. J'en ai parlé avec notre partner Kevin cette semaine. Il s'est commandé les films lui aussi. C'est certain qu'il faut qu'on parle de ça. Necrostorm, les films. Allez voir ça, mes chers auditeurs, sur YouTube. Les trailers de Tater City et Adam Chaplin, c'est épique. Sérieusement, là, du gros fun sale. C'est tout ce que j'ai à dire. Je veux pas m'allonger là-dessus parce que je veux qu'on en parle. Faut que vous voyez ça, c'est hallucinant. Excellent. On parlait de changement au début du show. Tu sais, l'histoire des notes, là, j'ai pas arrêté de dire que j'étais pas à l'aise de donner des notes, là. Man, il a passé quelque chose dans ma vie qui fait que je veux plus en donner. Wow. J'étais sur Facebook, puis je me promène, puis je vois un post de ma voisine. Je l'adore, ma voisine, mais tu sais, elle fait pas la différence entre un caméraman puis un réalisateur, fait que... Elle arrive du cinéma, elle était voir un film. Ta-ta-ta, j'ai été voir ça, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ma note, 4 sur 10. Là, man, là, j'ai fait comme... Wow! Tout le monde peut devenir critique, hein? Après ça, je suis allé sur le site de Cinémaniacs, puis là, ça a fait que non. Oh, non. Non, mais tout ça pour dire que je suis pas une critique. Nous autres, on écoute des films, on en parle, on a du fun. Je veux que ça reste de même parce que, écoute, il y en a qui le font, il y en a qui le font bien. On parlait d'Horror Web tantôt, si vous voulez des critiques, il y en a une poche. Hey, Chris, man, faudrait qu'on arrête de les plugger, eux autres, sérieux. Mais non, moi je pense qu'ils méritent toute la plug. C'est vrai, non, ils ont des super de bonnes critiques, ça vaut la peine de les voir. Nous autres, j'ai établi ce que j'appelle une échelle de recommandation. Wow! T'as un peu, je sors mon petit papier, là. Parce que je veux pas l'oublier. OK. C'est en 5 points, OK? Mm-hmm. Mon échelle de recommandation va marcher pour n'importe quoi qu'on va parler, que ce soit d'un jeu vidéo, un livre, un film, whatever. Et ça va durer comme combien de temps? Qu'est-ce que ça va durer combien de temps? Non, mais on va regarder combien de temps. C'est parce qu'on en a jamais eu d'officiel que ça n'a pas tenu. Fait que là c'est un point établi, il faut que ça reste comme ça. Okay. Au moins pour ce show-là. Fait que l'échelle, ça s'appelle l'échelle d'appréciation d'Horror Gamer. C'est bon. Incorporated. Prends des notes parce qu'il faut que tu évalues le film de ce soir avec ça. Fait que au point zéro, ça s'appelle passe tout droit. Passe tout droit. Si tu vois ce film-là, passe tout droit. Casse pas ta tête. Rien. Le point numéro un, j'ai appelé ça location. Ça marche. Un film en location, ça coûte quoi? Ça coûte 3$ aujourd'hui? 5,5$. 5,5$? Nouveauté, ouais. Ouais, écoute, parce que va louer dans un dépanneur, il va coûter 3$. Il y a des dépanneurs qui louent encore des films? Ben, en tout cas, par chez nous, il y en a. OK. Le point 2. Ben à 5$. Là, tu comprends pourquoi la location, ça marchait pas. Parce que après location, ben à 5$. Ben à 5$ dans le sens que ben, tu l'achètes quand même, le film. Tu sais, t'as coûté 5$, mais tu le gardes. Ça sert à rien de garder un film si t'es pour jamais le réécouter. Tu comprends? C'est ça. Le point numéro 3, c'est un achat. Tu sais, comme qu'on a toujours dit, écoute, entre une location, une ben à 5$, c'est un achat. C'est clair. Et le numéro 4, qui se trouve être le top du top du top, j'ai appelé ça le Collector Edition. Ça, ça veut dire que t'achètes le film, t'achètes le poster, t'achètes le Steelbook, t'achètes... écoute, that's it, that's all. Et voilà, c'est ça l'échelle d'appréciation d'Horror Gamer. C'est écoute, simple, mais je pense qu'avec ça, on va être capable de donner une opinion fixe sur tout. C'est bon. C'est bon, ça? C'est bon. Hey, on enchaîne tout. Ah, j'ai... Hey, parlant de films reçus par la poste, as-tu reçu ton Hunting Grounds? Non, pas encore. Non. J'ai hâte qu'on en parle. Pour ceux qui nous écoutent, ils font voir de quoi sur Hunting Grounds. C'est un film d'horreur zombie qui a été tourné au Saguenay. Je peux dire une chose, c'est qu'à 16 minutes, quoi, 16 minutes 30, c'est le meilleur moment de tout le film. Parce que je suis là? Oui. Okay. Oui, ben, ça a été tourné au Saguenay et je joue dedans. Écoute, hey, j'avais fait des auditions pour avoir un plus gros rôle. Puis finalement, j'avais mal saisi. T'as pas été très bon, rôle. Hein? T'as pas été très bon vu la longueur du temps que t'es là. Écoute, non, mais sérieux, le pire, c'est que le gars qui a eu le rôle, finalement, c'est un vrai anglophone. Tu sais, tu fais comme, ben là, regarde, c'est, je pouvais pas mesurer envers un vrai anglophone comédien de la région. Là, tu sais. OK. C'est un comédien de la région, il joue en français d'habitude, mais il est anglophone d'origine, puis il joue dans un film en anglais. Tu sais, tu veux que je, moi, tu veux que je gagne à côté de ce gars-là. Là, tu sais. Mais non, tout ça pour dire que dans le film, il y a un rôle principal féminin. Ben oui, et on la connaît bien. Ben oui. C'est, écoute, ma blonde est la Mila Jovovich de ce film-là. C'est la hache de ce film-là. Wow. Elle tire du gun dans la tête des zombies. Ah, c'est malade. Pour le peu de tête de zombie qui éclate, mais en tout cas. Écoute, j'ai hâte que tu m'en parles. Puis ceux qui se demandent où c'est que je peux voir ça, Hunting Grounds. On va poster le lien. Sur YouTube. On va poster le lien sur le Facebook d'Horreur Gamer. Ouais, on peut l'écouter gratos. C'est ça. Heureusement plutôt. Ben, c'est parce que, honnêtement, moi, j'ai le DVD qui s'en vient par la poste, mais tu sais, mon DVD vient de Corée du Sud, puis tu me disais que vous autres, vous n'avez même pas été capable d'en avoir. Il n'y a même pas une version DVD qui était sortie au Québec. Tu as acheté une version de Corée du Sud. Oui, ben oui, sur le cover, il est écrit en coréen. Puis, c'est drôle parce que sur le cover, la pochette a été photoshopée parce que c'est pas la vraie shape de ma blonde. Ah, non, c'est pas celle-là. C'est pas ce cover-là, non. J'en ai un autre. Il y a comme plusieurs covers. Oui, j'ai vu ça. Hey, j'ai même vu un Blu-ray, écoute, à 40$. Hein, j'en ben, vois-tu, j'ai su mon DVD. Il est même pas disponible en Blu-ray. Là. Ben, sur le DVD que j'ai commandé, c'est le même cover que le Blu-ray. OK. Tout ça pour dire que, hey, on va parler d'une anthologie ce soir, mon cher Sébastien. Et je me demandais, écoute, on a vu beaucoup. Il y en a énormément des anthologies d'horreur. T'en as vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup. Je voulais te demander, deux questions en réalité. Laquelle est la meilleure anthologie que t'as écoutée ever? Puis le meilleur segment d'anthologie? Ils sont pas obligés d'être liés, mais. Ouais, c'est ça. Écoute, la meilleure anthologie, là, selon moi, là, c'est Trick or Treat. J'ai tellement aimé cette anthologie-là. Là. Moi, cette anthologie-là, là, elle est sortie à l'époque où ce que. Je recommençais le film d'horreur. Tu sais, lorsque je l'avais laissé de côté une couple d'années, puis bon, tranquillement, j'y revenais. Et je me souviens d'avoir écouté Trick or Treat, puis d'avoir fait « Mais Simonac, ça en prend un de même à tous les années. » Cette anthologie-là, là, c'était le Tales from the Crypt par excellence. C'était vraiment du Tales from the Crypt. Des petites histoires avec des punchs tirés par les cheveux, pas sérieux pour deux scènes, là, tu sais. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça en est un autre film gros, fun, sale, celle-là. Ouais, écoute, réalisé par Bryan Singer. Bryan Singer, qui avait fait les X-Men avant, puis Superman Return. Puis là, il te fait une anthologie de films d'horreur, puis tu te dis, ben voyons donc, ce gars-là, lâche tes Superman, lâche tes X-Men. Ah ouais, let's go, fais du film d'horreur. Tu sais, tu sens l'amour du film d'horreur, puis de l'histoire. Pas l'histoire, mais la short story, là, tu sais, la nouvelle, là, tu sais. Avec vraiment là, des débuts, un milieu, une fin, une cohésion dans cette histoire-là qui venait s'entrecroiser. C'était parfait, c'était bien écrit, c'était bien réalisé. Des bons acteurs, des bons effets. Juste assez de rire, puis un petit peu de suspense à travers. Non, c'était parfait. Moi, regarde, c'est... Oh, la main, c'est celle-là qui gagne. Peut-être parce que je suis un petit peu vieux jeu. J'ai adoré Trick or Treat. On se trompe pas avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle t'a raconté. Mm. Peut-être que je suis un petit peu vieux jeu, mais moi, quand je me suis dit qu'il va falloir que je réponde à cette question-là, moi aussi, j'ai été plus comme en arrière. J'ai reculé tellement loin que je me suis dit, man, je sais pas si t'as vu Black Sabbath de 1963, qui est leadé par Mario Bava. Non. My God. Tu vois ça. De tous les temps, c'est le meilleur anthologie qu'il y a jamais eu. Mais c'est très particulier parce que, bon, c'est ça, c'est du Mario Bava. Écoute, c'est un directeur qui s'apprécie, disons-le. Mais Black Sabbath. Grosse mention honorable à Asylum du studio Amicus. De 1972-73. Amicus, Division de Hammer, en tout cas, ça aussi c'était extraordinaire. Moi, ça, c'est mes deux anthologies. J'ai hésité beaucoup entre les deux, mais Black Sabbath, sérieusement. Ah oh, non, j'ai que des bons souvenirs. Puis encore une fois, tu sais, les histoires sont tellement. Faut le voir pour le croire. c'est tout ce que je vais dire. Puis ton meilleur segment, mon cher Seb. Écoute, mon meilleur segment vient d'une anthologie qu'on pourrait pas nécessairement associer à l'horreur, mais plus à la science-fiction. Mais ce segment-là est un segment d'horreur. C'est dans Twilight Zone de Movie. Ah non, c'est très, très correct. Ouais, j'y ai pensé aussi. C'est la séquence dans l'avion avec John Lithgow. C'est super. Man. Quelle séquence. Quelle séquence incroyable. C'est tellement bon. John Lithgow est tellement bon dans cette séquence-là. Il donne la chienne. Tu te mets à sa place, tu te dis, mais comment je pourrait réagir autrement, tu sais. Il y a un démon sur l'aile d'avion, puis t'es le seul à le voir, tu sais. Ah, c'est tellement hot. J'adore tout. J'adore son jeu, j'adore la réalisation, j'adore le démon. Et j'adore même la parodie que les Simpsons en ont fait. C'est, j'allais en venir, justement, à ça. C'était très drôle. Mais je voudrais dire, n'importe quel de nos auditeurs qui a pas vu Twilight Zone de Movie. Ben, tu vois, ça passe proche d'être mon anthologie, là. C'est, j'ai pas pris juste parce qu'il y a pas assez d'horreur dedans. Moi, vois-tu, c'est mon meilleur segment de toutes les histoires des anthologies. C'est un qui m'a marqué parce que j'étais très jeune quand je l'ai vu. Il m'a fait extrêmement peur. Et encore aujourd'hui, je le regarde avec mes yeux d'adulte. Puis à toutes les fois, j'ai la chair de poule. C'est dans l'anthologie Creepshow qu'on adore, que tout le monde adore, le segment The Crate. L'histoire de la caisse en dessous des escaliers qui contient une bête qui... Man! Ouais! Quand on a le reveal de la bête, ses yeux, cette image-là m'a marqué quand j'étais jeune. Ah ouais? Totalement, là, j'ai tellement trouvé... Je le réécoute encore aujourd'hui, souvent, probablement tous les Halloween, parce que ça fait partie de ma rotation régulière, ce premier Creepshow. J'adore ça, c'est vraiment cool. C'est mon meilleur segment à vie, je crois. C'est solide. Ah, cool. Hey, écoute, vraiment, c'est le genre de... C'est drôle, j'y repensais même plus à cet extrait-là, mais t'as raison, ça en est un très Mais c'est parce que ça n'a pas marqué tout le monde. Souvent, le monde pense au premier Creepshow. Hein, on va chercher nos trucs qui nous marquent personnellement. Tu sais, moi, je me souviens, là, justement, l'extrait, c'est plate, là, j'ai pas le titre de cet extrait-là dans Twilight de Movie, mais cet extrait-là, je l'avais vu très, très jeune, avant d'avoir vu la parodie des Simpsons. Et il m'avait fait peur, mais c'était drôle parce que j'avais pas peur du démon. J'avais peur de John Lithgow. Quand j'étais jeune, j'avais peur de me retrouver dans un avion avec un gars qui capotait comme ça. Ouais, mais depuis le 11 septembre, il n'y en a plus de gars qui capotent comme non, ça. Non, ils se font flinguer, c'est pas long. Tu capotes pas longtemps, là. Il y a du tranquillisant quelque part. Non, écoute, sérieux, tu te dis, je veux pas être pogné dans un avion avec un gars qui bat trip de même. Ça fait peur, là, tu sais. Déjà qu'il y a un orage, puis tout ça. Non, c'est ça. C'est vraiment ce qui nous marque, là, parce que... c'est drôle, parce que The Crate, probablement qu'il y a bien du monde qui fait « Ah, ouais, oh, oh. » Mais honnêtement, réécoute ça, The Crate, puis regarde comment que la tension est montée. Je trouve encore aujourd'hui que c'est bon. C'est sûr que, bon, j'ai gros le facteur nostalgique. Le facteur, ça m'a fait peur quand j'étais jeune, mais... non, sérieusement, la façon que la tension est montée, je trouve ça fucking extraordinaire. C'est bon parce que tu vois, moi, de Creepshow, je me souviens surtout de celui avec Stephen King parce que je l'aime plus ou moins. Parce que Stephen King est tellement mauvais acteur. ouais, c'est assez terrible. Ouais, mais il joue un redneck. Hein? Il joue un redneck. T'as pas besoin de talent pour jouer un redneck. Non, c'est ça. Mais non, celui qui me marque le plus, je me souviens pas le titre encore, mais c'est celui avec les coquerelles. Ouais, ouais, l'espèce de fou d'antiseptique, de germophobe. Ah, ben c'est parce que moi, là, des coquerelles, là. Moi, là, donne-moi une araignée, un serpent, n'importe quoi, j'aurais pas peur. Mais donne-moi quelque chose avec une grosse carapace dure, là, qui vole puis qui fait un trrrr. Man, le poil me lève, les cheveux dans les airs, puis je crie comme une petite fille, là. Tu sais, ah, j'haïs ça, là. Aïe, aïe. Hey Seb, on s'était donné comme mission de remplir le show parce qu'on est juste deux, puis je trouve qu'on fait une maudite bonne job. Ça fait longtemps qu'on parle, puis on n'a même pas commencé à parler de notre film. Ça va bien. On se lance-tu sur VHS 2? Hey, allons-y. Allons-y. Hey Seb, juste avant de commencer sur VHS 2, on n'a jamais parlé du premier VHS. On était supposé faire un show. Je sais pas ce qui s'est passé. Probablement qu'il y a eu une grosse sortie ou whatever. On était... Ou peut-être qu'on en a parlé dans le show, qu'on était pour en parler, ce qui fait que c'est jamais arrivé. Mais d'après moi, à l'époque, je n'étais même pas encore avec vous autres, fait que moi, j'ai rien à me reprocher. Hey, yeah. Hein? Bon, ben, mange la merde, on passe à un autre appel. Non, sérieusement, faudrait parler un peu juste de nos appréciations vite du premier VHS. Ouais. Vas-y donc, on va. Écoute, le premier VHS, là, moi, c'était autant un coup de cœur qu'un coup de masse. Dans le sens que j'ai adoré, là, mais adoré des segments, là, à vouloir les réécouter là, non-stop, autant que j'en ai détesté. Je pense juste au premier segment, celui avec la succube ou peu importe qu'est-ce que c'était. Ce segment-là était excellent. Celle qui a des beaucoup trop grands yeux. Ah, man! Elle avait même pas besoin d'être transformée ou quoi que ce soit, cette fille-là, pour faire peur. Juste avec son regard, elle te faisait sentir qu'il y avait de quoi de pas correct. I like you. Ah, man, c'est fantastique. Tu sais, là, il est juste dans le bar, là, puis il fait un pan, là, il regarde tout le monde, puis tu la vois dans Et le là, show, partout. Là. Ben oui, j'ai remarqué ça, puis je l'ai réécouté. La voix, tu sais, t'as pas le choix, là, ton attention fixe sur elle, parce que t'es comme, tabarnak, c'était quoi ça? T'es bien malade, cette fille-là. Elle a bien l'air freak, tu sais. Ah, man. Ah non, c'était un excellent segment, et j'avais adoré celui aussi dans la maison. Ceux qui s'en vont à une soirée d'Halloween, ils s'en vont d'une maison, je sais pas trop, ils ont une adresse. Ah, le dernier, ouais. La maison hantée, puis... finalement, là. Ouais. Foutu carnage, ça. Ah, mais c'était le fun, là. C'était vraiment très bien exécuté. J'avais adoré. Tu sais, dans l'ensemble, VHS, ce que j'avais aimé, c'était... Ils voulaient créer des ambiances. Puis, pour la plupart, ça fonctionnait bien. Le gros défaut que j'avais donné à VHS, c'était son wrap-up story. Là. Tu sais, l'histoire qui faisait le lien entre les autres. Là. Ouais. Elle m'emmerdait, puis elle était redondante, puis elle amenait rien. Tu sais, tout ce que tu avais le goût, c'était « Ah ouais, passe au prochain film. Là. Arrête de gosser, là, c'est plate. » Là. Ouais, j'étais assez d'accord là-dessus. J'avais adoré aussi le premier segment. J'avais détesté le segment de Ty West la première fois que je l'ai vu. Ouais. Puis là, tu sais... C'est Ty West, on va y redonner une chance. Je l'ai réécouté. J'adore Ty West, man. Il n'y a rien à faire, man. Je suis un vendu à ce gars-là. Man. Même quand il dit qu'il fait de quoi de mauvais, il est bon. C'est pas drôle. Puis ouais, c'est ça. Comment je te dirais? C'était... J'avais beaucoup d'attentes pour VHS parce que oui, il était beaucoup hypé. J'avais été déçu quand j'avais écouté, mais pas déçu, il n'y avait rien de mauvais dans ça. C'est juste que c'était pas le grand film qu'on m'avait promis, disons. Mm-hmm. Mais bon, c'était loin d'être mauvais, là. J'ai adoré. Mais sur 5 segments, là, je te dirais que à ma première écoute, il y en avait 2 que j'avais adoré, 1 que j'avais aimé, puis 2 que j'avais plus ou moins aimé. Mais en y repensant, puis je suis sûr qu'à ma prochaine écoute, ça va être un 4 sur 5. Là. Celui dans la forêt. T'as-tu dit un 4 sur 5? Tu voulais dire que c'était un achat? Non. Un 4 sur 5. 4 bons segments sur 5. Ah, OK. Oups. J'ai essayé de te reprendre. J'ai eu l'heure d'un coup. C'était pas clair, mon truc. 4 bons segments sur 5. Le truc dans la forêt, non, même en y repensant, là, non. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais là, c'est parce qu'attends, on en parle, puis je veux pas qu'on ait trop creux, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui l'ont pas vu. Mais il y avait beaucoup d'erreurs de continuité dans celui-là, ce qui faisait que j'ai complètement déblood. Ça marchait pas, là. C'était celui qui manquait le plus de viande autour de l'os, là. Mm. Tu sais, pourtant, il y avait tellement de potentiel dans l'histoire. Ah, c'était le fun, tu sais. Au départ, c'était trippant, puis finalement, ça allait nulle part. Il y avait celui avec la webcam que j'avais pas aimé au premier coup d'œil, mais que après avoir entendu des critiques, des podcasts qui en parlaient, ça m'avait fait allumer sur certains trucs que j'étais passé à côté. Et, mon Dieu, même sans l'avoir revu, j'ai déjà hâte, là, tu sais, puis je me dis, c'était génial, finalement. Ben, moi, je l'ai trouvé correct, le bout des webcams, mais quand j'ai vu la fourchette à barbecue, là, ça passait de correct à « Oh, fuck, c'est donc bien cool! » Ah, oh, man, ça, c'était... Ah, oh, ça faisait tellement... Ouais. Bon, mais ben, là, on va arrêter de parler en sous-entendu, parce que ça pourrait être plate pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le premier VHS, et on se lance dans VHS 2. C'était supposé être Super VHS. Mais oui, le nom, c'était supposé être SVHS. Moi, j'ai fait mon frère en essayant de reprendre. Je pense que c'est Kevin qui a fait la pause sur Facebook. Là, ça s'appelle SVHS. Là, je regarde mes affaires. Ah, non, ça a été changé. Fait que j'ai eu l'air d'un con, encore une fois. Mais ça, on s'habitue. Hein? Mm-hmm, on finit par te pardonner. On le fait à tous les jours. Oui, puis on devient de mieux en mieux. Tout ça pour dire que tu startes ça ou bien je starte ça? Ouais. Vas-y donc. Ah oh, non. OK, VHS 2, on comprend que, bon, VHS, c'est une anthologie, on se comptera pas de montrer. Et puis, bon, on start avec notre wrap-up. Première chose qu'il faut que je dise, il y a une paire de totons dans le premier 30 secondes du film. Puis ouais. Une totone, bon, c'est comme, oh, déjà là, ça marque des points. Je fais, ouh. Mm-hmm. Bon, c'est l'histoire de, bon, des détectives privés qui s'en vont... Détectives privés, ouais. Qui enquête sur la disparition d'un jeune collégien. Je pense qu'ils sont envoyés par leur mère. En tout cas, ils s'en vont dans sa maison pour enquêter sur sa disparition. Puis ils tombent sur un setup de télé et de VHS et de piles de cassettes VHS en tout croche. Mm-hmm. Bon, un peu comme qu'on avait eu dans le premier. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais sur le laptop, ce qui est en train de jouer, c'est le segment, la fin du wrap-up de VHS 1. Ah, non, j'ai pas remarqué. Mais oui, c'est comme un beau petit clin d'œil au premier. Mais je sais pas si c'est moi, mais à un moment donné, il regarde, puis genre, sur une tablette, il y a des photos, et ça ressemble foutument au bonhomme dans VHS 1. Ah, ben ça, j'ai pas remarqué. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que, bon, nos deux détectives privés veulent enquêter, fait que pendant que... un va partir faire le tour de la maison. Il dit à l'autre, bon, mademoiselle, regarde ces tapes-là, voir si tu pourrais pas en apprendre sur la disparition de notre petit bonhomme. Et c'est ainsi que s'enchaîne notre visionnement. Exactement. Fait que on y va-tu avec, mettons, le premier segment? Ah non, on commence par le troisième. Non, vas-y donc avec le premier. OK, le premier s'appelle Clinical Trails. Ça a été réalisé par... c'est juste qu'il faut que je regarde. Adam Wingard. Écoute, je l'appelais réalisateur de la relève, mais je pense qu'il a fait ses preuves depuis. J'avais tellement adoré son segment dans ABC's of Dead. C'est lui qui avait fait Quack. Q is for Quack, oui, c'est vrai. Man, c'était très con, c'était très juvénile, mais j'ai tellement ri. Quack, c'est un de mes segments préférés de ABC's of Dead. Puis, son autre gros titre, c'est Horrible Way to Die. Mais oui, c'est quand même pas rien non plus. Ouais, tu sais que c'est, côté horreur, c'est un autre style. Puis, avec ce film-là, il a comme prouvé qu'il avait sa marque spéciale à lui. Là. Tout à fait. Je pense que aussi, c'est lui qui joue le rôle principal, mettons, écoute, ça, il me semble que j'y reconnais. Je pense que oui, parce que quand il regarde la face, là, écoute, je pense que c'est lui. Ouais, je suis pas mal certain. En tout cas, c'est l'histoire d'un gars qu'on comprend qui a perdu la vie suite à un accident d'auto. Il s'est fait implanter un œil, disons, caméra. C'est assez random, là, dans le sens où ce qu'on voit à la place de son œil, on voit à la place de son implant. Imaginez un cyborg, genre. Ouais, c'est un peu dur à avaler, raconter comme ça, mais je pense que le short nous le fait bien. Je veux dire, ça nous fait avaler ça direct en partant. Tu fais comme, ah, OK, on voit comme l'œil droit de ce dude-là. Là. Ce qui est surtout dur à avaler, c'est le fait que son œil enregistre aussi le son. Pas nécessairement, là, c'est peut-être de quoi dans les oreilles, là, même tu viens de tellement te planter à patente, ça n'a pas de bon sens. Tout ça pour dire que, bon, on le voit, il est à la clinique avec son docteur, il explique justement tout ce qui est, tout ce qu'ils voient est comme enregistré pour du, bon, comme considéré comme du footage. Ouais, c'est ça, du footage de recherche. Là, fait qu'ils... Ouais, ils vont regarder si ce qu'ils voient est correct, puis voir si son œil marche bien. Exactement. Puis bon, lui, c'est sûr que, écoute, il est inquiet en se disant que tout ce que lui voit, ben, les docs le voient, là, ça veut dire que, bon. Il y a des petits moments où ce que tu penses être seul, puis en tout cas, puis il n'y a pas aucune façon de... le doc met ça clair, il n'y a pas de façon de mettre ça à off, là, tu sais. On va tout le temps voir qu'est-ce que tu fais. En sortant de la clinique, notre cher dude, il croise une madame louche qui est comme... Comment je dirais ça? Je cherche un mot français. Elle dévisage de façon assez curieuse. Puis ça, ben, ça nous met un petit hic là, sur qu'est-ce qui se passe. Notre dude rentre chez eux, il y a une maison comme... J'ai de la misère à m'attacher à des personnages qui ont des fucking penthouses comme maison. Mais surtout quand le personnage, il n'y a rien comme pour justifier le fait qu'il y a une maison de même. Non, ben je sais pas. Regarde, mais en même temps, tu sais, le gars, je sais pas, t'es aux États-Unis, tu te payes un œil cybernétique. Non, mais ça c'est expliqué que ça vient du gouvernement, ça, par exemple. Ah, OK. Bon, hey, juste parenthèse, on n'a pas averti. Mais spoiler. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de parler de spoilers parce que c'est des shorts, c'est des petits films d'une vingtaine, d'une dizaine, 10, 15, 20 minutes. On n'a pas le choix là, de parler de spoilers. Mm-hmm. Fait que ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Je pense qu'il est sur demande présentement. Sinon, je pense qu'il est sur iTunes. C'est facile à trouver. Puis, je le dis tout de suite, sérieusement, là, pour le prix que ça coûte, ça vaut vraiment la peine. Là. C'est vraiment divertissant. C'est au moins, dans ton échelle, là, il va au moins à l'occasion. Ben oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il va au moins là. C'est ça. Fait que, bon, ben c'est ça. On a notre dos qui rentre dans son penthouse avec la piscine écœurante. T'sais, on est sérieux, là. C'est beaucoup trop classe pour que ce gars-là se paye pas une femme de ménage pour faire de quoi dans son appart, parce que sérieux, c'est miteux, c'est dégueu un peu. Bon, au courant de la soirée, après avoir joué à quoi qu'il joue? J'ai pas remarqué c'était quoi le jeu-là. À Gradius 3, man. Ah ouais, le pire, c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit... C'est un schmop, Pierre va être capable de me l'identifier. Eh oui, il joue à Gradius 3. Puis bon, après avoir passé à veiller à jouer à Gradius 3, il se lève, puis remarque une masse étrange dans son lit. Ça, c'est weird. Il se pose pas trop de questions parce que, bon, c'est sûr qu'en allant regarder, il lève le drap, il se rend compte qu'il n'y a rien. Il se pose pas trop de questions parce qu'il se dit, bon, écoute, le docteur l'avait prévenu qu'il pourrait avoir certains glitches dans son œil, il pourrait avoir des drôles d'affaires, mais bon... par drôle d'affaire, il parlait peut-être pas nécessairement d'hallucination, parce que c'est pas très très long que, bon, dans sa chambre apparaît un homme puis une petite fille, il fait ces tabarnak de saut, vraiment des espèces de présences, disons, fantomesques, on peut dire. Fantomatiques. Ouais, merci. Fait que c'est ça, il te fait un tabaslac de saut, mon gars, puis il s'en va s'enfermer. Et nous aussi. Oui, ouais, ben assez. Fait que il s'en va s'enfermer dans sa salle de bain, comme tout brave homme qu'il est. En criant des... Ah ça, man, c'est tellement drôle, cette boîte-là, comme... ouais, OK, c'est beau. Vous m'avez fait peur, là. Vous pouvez vous en aller. C'est assez loser, man. C'était oui, vraiment c'est drôle. Très drôle. Mais c'était... son premier réflexe, c'est de penser qu'il y a du monde dans sa maison qui essaie de faire peur. Ouais. C'est assez cool. Il se réveille dans son bain. Le lendemain, il appelle le doc pour lui expliquer que, bon... il y a des petits problèmes d'hallucination, puis bon, ça sera pas capable de rejoindre le doc. Il laisse un message. Bon, plus tard dans la journée, ça cogne chez eux. C'est la petite fille qui a croisé. Ben, la jeune dame. Jeune demoiselle. Petite fille. Parce qu'avec ce qui s'en vient, ça va paraître lourd. Je dis petite fille, là, mais ouais, c'est ça. C'était une belle madame. Fait que, c'est ça. C'est la belle madame qui vient cogner chez eux, qui s'en vient expliquer qu'elle, c'était une sourde de naissance. Que bon, après avoir eu un implant cochléaire, elle s'est mise à entendre des affaires. Parce que, bon, ça, c'est quelque chose de vraiment weird, la façon qu'il parle. Les équipements implantés électroniquement peuvent, pogner des affaires qui viennent d'un autre monde. Autrement dit, des fantômes. Ce qui est assez drôle. Bon. Parle, j'ose, prend un coup. Il y a une scène très très cool où il lâche un. Ouais, tu sais peut-être pas, mais il y a un gros monsieur vraiment choqué, plein de sang en arrière de toi. Elle dit ouais, je sais, je l'entends, parce que lui, c'est son œil qui est un implant, elle, c'est ses oreilles. Puis là, c'est là qu'il y a. Alors, j'ai quoi de vraiment important. Plus que tu leur donnes de l'attention, plus qu'ils deviennent puissants, puis plus qu'ils peuvent te faire du mal, si on veut. Plus ils peuvent interagir avec toi. C'est ça, fait qu'oublie-le. Puis ils vont s'en aller. Fait qu'est-ce qu'elle fait pour le faire oublier? Oh my fucking god, elle se calait sa poêle, puis tac, tac, tac, mon gars. Fait que c'est ça qui se passe. Le bonhomme se réveille sur son divan le lendemain matin. Puis c'est très drôle de le voir dans un miroir à parler justement au doc. Ah. Qui sait qu'ils sont en train d'enregistrer tout ce qu'il dit puis qu'il leur lâche un. Je veux une copie DVD de ce qui s'est passé là-dessus. Mais j'ai tellement. J'ai fait comme waouh, mais c'est clair là. J'ai trouvé, tu sais, c'est comme. Je sais pas, cette ligne-là a humanisé le gars. Il a fait comme. J'avais le goût d'y faire un high five. Un high five de douchebag, là, je tiens à dire. Ouais, là, mais j'avais le goût d'y en faire un pareil. Là. Puis tu sais, t'as le goût de faire un high five aux auteurs, de dire ah, si, vous avez écrit cette ligne-là, j'y aurais jamais pensé, puis c'est tellement génial. Bon, avec ça vient plusieurs apparitions, d'autres apparitions, des affaires louches. La petite fille, bon, que, elle se fait carrément tirer du lit, se ramasse dans le fond de la piscine. Tu sais, je vulgarise, je fais ça short. Là. Se fait tirer dans la piscine, essaye de la sauver, les fantômes sont autour, pas capables, rentre pour appeler le 911. Et puis là, man, monsieur est en panique totale. Là, les fantômes sont après, ils courent après, ils font peur, ils sont même capables d'interagir avec lui. C'est vraiment la panique. Fait comme, fuck off, je veux plus rien avoir à faire avec ça, je veux plus les voir comme ça, tu sais, pas pouvoir leur donner d'attention pour qu'ils disparaissent. C'est ça ce qu'il y a en arrière de l'esprit. Fait qu'il sort un fucking. Tu sais, un rasoir, mais tu sais. Un rasoir, là, je parle pas d'une petite lame, non. Ouais. Non. Une fucking blade. Un rasoir de barbier, là. Ouais, monsieur, puis il dit fuck off, moi j'enlève ça, cet implant-là. Puis c'est quoi? Ben, c'est faut s'enlever l'œil pour ça. Et j'ai été un petit peu déçu de cette scène-là parce que je pensais tout voir, mais tu sais, ouais. En même temps, je comprends comment que ça a été fait. C'est pas un raccourci cheap, là. C'est très, non, très, très logique, que... là. Non, ça fait tout son sens. Ben, t'as même le gars qui dit je veux pas voir ça. Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est comprenable. Mais ce qui arrive, c'est que ce qui est vraiment génial, c'est qu'un coup qui enlève l'implant, c'est-à-dire qu'il s'est arraché complètement l'œil de la face. Là, on voit comme il l'a dans la main, fait qu'on continue de voir, on voit même un des fantômes le prendre, puis t'y enfoncer dans le fond de la gorge, puis que bon, bang, ça finit comme ça. C'est fucking épique, là, c'est bang, bang, bang. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon Seb? Écoute, j'ai trouvé que c'était un premier segment qui commençait fort. Je t'explique pourquoi, parce que après avoir lu les critiques, j'ai remarqué que pour plusieurs personnes, ce serait le segment le plus faible des quatre. OK. Moi, j'ai trouvé que ça commençait fort, parce que moi... Honnêtement, là, une des choses que je voudrais jamais qu'il m'arrive dans la vie, ce serait d'être seul chez nous, puis de me revirer de bord, puis d'avoir un bonhomme blanc avec un trou dans la tête ou de quoi de même qui me fixe avec un air de « toi, je te veux du mal ouais. ». Fait que moi, là, des films de même, là, ça marche. Ça marche avec moi, là, je suis une proie facile. Puis en plus, en first person de même, là, ben, tu sais... C'est niaiseux à dire, là, mais ça excuse les jumpscares. Ouais. Parce que, tu sais, dans la vie, là, si il y a quelqu'un qui t'arrive dans le dos, puis tu revires de bord, puis tu fais le saut, ben, c'est le même, tu sais. Je veux dire, tu l'as pas vu, puis il est dans ton dos, tu sais. Le film ne triche pas, c'est le même, ça va se passer. Sauf que dans un film conventionnel, tu sais, tu comprends que le film, il s'arrange pour que tu aies un jumpscare, tandis que là, t'sais, ce serait pas un jumpscare si le gars l'avait vu avant. T'sais. Mais bon, les fantômes le prennent par surprise. Fait que moi, ça a marché. Je l'ai écouté avec un œil à moitié fermé. ouais, non, ça, je comprends tellement. Ah, c'est vrai. J'aimais c'est vrai. Pas ça. La finale, je l'ai moins aimée. J'ai trouvé qu'elle était garrochée, brouillon. Je comprenais pas comment ça se faisait que tout d'un coup, il était pas capable de voir ce que la fille, ce qui tirait la fille dans le fond de l'eau de la piscine. Ouais. Si lui, tout d'un coup, est capable de voir tous les fantômes, comment ça se fait que ça, il est pas capable de voir ce qui se passait? Mais encore là, quand il les voit, c'est comme, c'est expliqué que c'est un glitch, hein. On ouais. voit, c'est quand même rien de régulier, là. C'est pas des images claires et nettes, là. Non, c'est vrai. T'as raison là-dessus. Tu sais, mais je sais pas, j'ai trouvé que ils restaient trop chez eux, tu sais. Moi, je m'excuse, là, mais si je passe une nuit complète à voir du monde autour de moi, puis qu'il y a une fille qui me dit c'est des esprits, puis porte-leur pas attention, là, ben sacrément, je me loue une chambre d'hôtel jusqu'à ce que j'aille voir le médecin pour qu'il m'arrange ça. Là. Ouais, parce mais que, écoute, sérieusement, je reste pas chez nous. Là. Ça se passe pas en dedans d'une semaine non plus, puis je veux pas l'excuser, ouais. Je comprends ton point, mais ça se passe pas en dedans d'une semaine, ça se passe en dedans de deux nuits. Là. Ouais, oui. Mais tu sais, je veux dire, regarde, la fille, elle va avoir les plus beaux tatons de la planète, on va aller faire ça dans une chambre d'hôtel, tu sais. Ouais. c'est ça, j'avais juste la misère à avaler. Ben la, moi, la fin. Vois-tu comment j'interprète ça? J'interprète ça comme justement la première nuit, il interprète ça comme un glitch. Tu sais, il fait comme « Oh, mon œil est en train de fucker red, puis ça marche pas. » C'est pour ça qu'il appelle son doc, puis il fait comme « Ah, je suis brisé, là, man, je trouve de quoi. » Puis le lendemain, Mais ça y est expliqué par la fille. Mais de toute façon, il est trop tard pour se sauver parce que c'est tout là que ça se passe. Ouais. Ça se passe, OK, une couple d'heures après, mais quand même, c'est pas rien. Ouais. Puis tu sais, en tout cas, là, regarde, rendu là, c'est personnel. Puis. Non, mais je te le donne. Pas assez, mais ça sera pas assez macho comme réponse, là. Mais je m'excuse. Une fille qui se met à poil devant moi et qui me dit la seule manière de faire penser, faire partir un fantôme, c'est de me baiser. Ben écoute, je pourrais pas baiser. Il y a un fucking fantôme d'un gros monsieur à 10 pieds de moi. Je peux pas faire abstraction de ça. Oh, fuck you, man. Tu l'as pas regardé comme faut. Moi, je regarderais le fantôme. Je fais comme, wow, minute, t'as ton tour. Tu veux me couper la tête, man? Attends 15 minutes. Hey, non, oublie ça. En tout cas. Moi, personnellement, là, je pense que je serais pas capable de focusser sa fille. Même regarde, quand t'as, en tout cas, c'était un 9 sur 10, là, 8 sur 10, peu importe. Mais je veux dire, non, t'as un fantôme d'un gros monsieur dégueulasse à 10 pieds de toi qui te regarde puis qui a juste l'air de dire, ah, regarde-moi puis je m'en vais te tuer. Ben, excuse, je peux pas focusser sa fille. Ben écoute, pour ce qui est pour de mon bord, c'est que c'est un super de bon segment, j'ai trouvé ça super divertissant. Comme tu as dit, je l'ai écouté avec, mettons, un œil fermé, parce que il est vraiment inquiétant, il est super bien réalisé, puis il y a de quoi que je tiens à dire, puis je trouve ça plane un peu de dire, parce que pour un short qui a pas coûté rien, écoute, c'est shooté à première personne, puis il y a beaucoup de scènes de miroir, ça te fait-tu penser à quelque chose? Shit, c'est vrai, c'était une note que je m'étais pris. Ben c'est ça, ça m'a fait penser au film Maniac. Mais les scènes de miroir sont beaucoup mieux réalisées que dans Maniac. Tellement! Mais tellement! Ça n'a pas de sens. Tu sais, dans Maniac, on comprenait la tricherie avec l'angle du miroir puis de la caméra, là. Ouais. Mais ça, là, c'est dû... La caméra est face contre le miroir, puis tu vois rien. C'est pas parfait, parce que dans les mouvements de tête, il y a un changement de vitesse, mais là, écoute, c'est juste pour être nitpicky, là, parce que honnêtement, ça marchait très bien. Là. C'était très, très bien fait. Et juste pour ça, ça mérite des points supplémentaires. Je vais dans le pointilleux dans l'histoire. Puis non, regarde, mais on est là pour ça. Mais dans des courts-métrages, souvent, il y a des trucs qui marchent pas. Puis, c'est pas grave parce qu'on l'apprécie pareil. Puis lui, je l'ai apprécié, peu importe ce que je suis en train de te dire. Moi, justement, dans un court-métrage, dans une anthologie, je pardonne beaucoup plus facilement parce que je prends en considération le budget puis le temps que t'as. Écoute, t'écris pas pareil un film de 20 minutes comme un film d'une heure et demie. Là. Mais pourtant, c'est niaiseux à dire, mais dans un 20 minutes, tu devrais avoir plus de temps pour travailler ces détails-là. Oui, je comprends très bien. Sauf que, justement... Je dis normalement, je pardonne plus, mais dans cela, j'ai rien à pardonner. Je veux dire, la réalisation est comme elle se doit, selon oui, moi. Oui, c'est un très bon première personne. Fait que c'est ça. Je pense que c'est pas mal tout pour ce qui est de ce segment-là. Oui. Ben, on va te laisser continuer avec qu'est-ce qui arrive avec nos deux détectives à la fin de ce segment, parce que c'est ça, ça finit comme ça. L'œil enfoncé dans la gorge et bang, le VHS se termine. Ouais, écoute, j'ai pas pris trop de notes là-dessus, fait que tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Nos deux détectives, la fille vient de finir la cassette, elle est un peu troublée. Le gars vient la voir. Attends un peu que je me souvienne, parce qu'on l'a écouté quand même assez vite. Oui. Je sais que je me rappelle que elle écoute un bout du laptop sur le laptop, oui. Parce qu'il y a un laptop aussi avec la... Il y a un laptop avec un enregistrement du flow que d'autres cherchent. Puis lui, il est en train d'expliquer vaguement. Pourquoi qu'il écoute des VHS? Il explique aussi que les VHS doivent être écoutés dans un certain ordre pour nous affecter, disons. Ouais, pour faire un certain truc qu'on ne sait pas. Exactement. Puis tu vois, moi ça, à ce moment-là, c'est là que le wrap-up story m'a vraiment tanné. Ah. Parce que le wrap-up story, c'est deux détectives qui cherchent un gars. Ils ont un laptop avec un enregistrement du gars qui parle à la caméra. Qui est dans la maison, puis qui explique un peu ce qu'il fait. Puis t'as des VHS qui ne mettent pas en vedette ce gars-là. Mais là, le gars, il dit à la fille, laisse faire le laptop, là, puis écoute des VHS. Mais voyons donc, Colin, écoute le laptop, le gars s'est enregistré, il va peut-être dire que c'est qu'il a fait, puis où c'est qui est. Tu sais? À ce moment-là, là, j'ai décroché complètement, j'ai comme fait, regarde, mêle pas là, si tu veux pas qu'on le voie, puis si tu veux qu'on l'oublie. Parce que clairement, l'image du flow à ce moment-là ne servait qu'à expliquer l'effet des VHS sur les personnes qui les regardaient. T'sais. Ben en même temps, tu as totalement raison, mais ça marche pour cet entre-segment-là seulement, parce ouais. que après le prochain, on revient avec du plus concret un peu. Oui, on revient avec du plus concret, mais parce que j'ai déjà. Parce qu'il y a eu ce bout-là, moi, je décroche déjà. Non, je comprends, par exemple. C'est vrai que ça. Ça tient dull. Pas la route. C'est très dull. Si t'es là pour enquêter sur un gars qui a disparu, tu trouves une vidéo où le gars parle à une caméra, tu te dis pas « fuck that, c'est pas important à regarder ». Ben voyons donc. Mais tu sais, tu vas dire à la fille « regarde n'importe quel VHS, là, il y a peut-être de quoi d'important ». Mais il y a de quoi d'important, il y a un laptop avec une vidéo du gars. En tout cas, peu importe. Parle-nous du segment « A Ride in the Park ». A Ride in the Park, réalisé par Eduardo Miguel Sanchez Quiros et Greg Hale Hall. Et ces deux gars-là devraient vous dire de quoi. Parce que ce sont pas les pères du found footage, mais ce sont quand même ceux qui ont remis le found footage au goût du jour. Totalement. En 1999. Blair Witch, 1999 ouais. avec The Blair Witch Project. Écoute, hey, c'est fun de les avoir, ces gars-là. Là. C'est fiable. Et tu te dis, hey, regarde, là, s'il y en a bien qui ont une place dans un truc comme VHS, c'est ceux-là qui ont fait Blair Witch Project. Je sais que Eduardo Sanchez, si je ne me trompe pas, avait écrit et dirigé Blair Witch Project et Greg Hale l'avait produit. Exactement. Ouais, hein? OK. Donc, et c'est A Ride in the Park qui commence avec un protagoniste qui s'installe une caméra GoPro sur un casque de vélo. Caméra GoPro qu'on voit là, les sportifs qui filment leurs exploits avec ça. C'est des caméras de la mort en HD pour faire des vidéos super cool que tu peux mettre sur YouTube avec une toune de Linkin Park par-dessus. Non, c'est extraordinaire. Sérieusement, ces caméras-là, j'ai eu la chance de travailler avec ça, man. C'est complètement débile. Pour de quoi c'est petit et de si cheap, là, c'est malade. Cheap dans le sens pas cher, là. Ouais, non, c'est ça. Écoute, j'étais surpris des prix, mais en tout cas, on n'est pas là pour discuter de prix de caméra. Non. mais donc, c'est ça. Écoute, il explique à sa copine, je vais faire une petite ride dans le parc, puis on se voit tantôt. Et en faisant sa ride de vélo, écoute, c'est génial, tout va bien, il écoute sa musique. Et il tombe face à face avec une femme qui est en détresse, qui lui explique, mon mari est en danger, il se passe de quoi. Puis là, écoute, la femme est enceinte, puis wow, ça marche pas bien. Puis quand il regarde dans le bois, il voit du monde s'avancer vers lui, à pas lent. Nous autres, on a déjà deviné que c'est clairement des zombies. Ouais. Et tu te dis, ça y est, la femme a été mordue, elle aussi. Elle va virer zombie éventuellement. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle attaque notre protagoniste. Et là, tu te dis, ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça dans le trailer de VHS 2. Il y a un film que c'est un first person zombie. Aha. Et là, tu te dis, ça y est, ça va être mon segment préféré. Ben, moi, j'avais pas vu le trailer. Fait que je l'avais pas vu. Non. Oh mon Dieu. Mais écoute, ce que ça a fait dans ma tête, ça a fait quand oh my God, quelle bonne idée. Quelle bonne idée, indeed. Ah, man, c'était. En tout cas. Ce moment-là, c'est drôle, j'écoutais le film, ma blonde allait se coucher, mais c'est comme assis, elle m'a demandé qu'est-ce que t'écoutes. Puis là, j'y explique. Puis là, elle voit le gars avec la GoPro se faire mordre par un zombie. Puis elle se dit, ben voyons donc. Elle n'a pas été capable d'aller se coucher avant de finir ce segment-là. C'était trop intéressant. Je pense que c'est comme le segment le plus mainstream que n'importe qui pourrait triper à regarder parce que tout le monde connaît les zombies. Puis c'est probablement le segment qui a le moins d'histoire dedans. Ouais, mais écoute, c'est tellement une bonne idée. Oui, notre protagoniste devient zombie. Et il se met à marcher. Et là, c'est ça, oui, il devient zombie, mais on assiste à sa transformation, vomit du sang, est mort. Ah oui, c'est ça, est mort. Et là, il y a deux cyclistes, un couple qui se promène dans le bois, puis qui le voient, puis qui viennent pour l'aider. Appelle la police. Puis là, évidemment, notre protagoniste va se réveiller et il morde. Le gars du couple et ensuite va sauter sur la fille qui va finalement réussir elle à se sauver. Et les effets gore sont vraiment bien réussis. Là, ouais. Là-dedans. Et le pire, c'est que les effets gore sont bien réussis, mais en plus, c'est qu'ils sont. L'excuse de la GoPro, c'est que si le zombie prend, exemple, dans ce segment-là, il prend la main du gars pour y manger les doigts, ça se passe à l'extérieur du champ, étant donné que la caméra est sur le casque. Fait que l'effet, est tout est là pour que l'effet, quand il va reprendre la main, ça peut être un mannequin, ça peut être n'importe quoi, puis ça pisse le sang, tu sais. Fait que les effets pratiques peuvent tout être très bien réussis. Parce qu'on prend la vraie main, on la sort hors champ, puis on ressort la fausse main, ni vue ni connue. Écoute, c'est tout fonctionne là-dedans, c'est génial. Et, bon, il est en train de dévorer notre dude. Il essaye même, qu'est-ce qu'il essaye de dévorer? Son portefeuille. Ah, tu sais, c'est ça, en plus, il y a de l'humour là-dedans, tu sais. Il essaye de dévorer le portefeuille du cycliste. Il se rend compte que c'est pas mangeable. Et pendant qu'il est en train, finalement, de se rendre compte que, il y a des entrailles là-dedans, je pourrais y ouvrir le ventre puis y manger les intestins, la fille qui s'était sauvée revient en zombie. Et se met à manger le gars, elle aussi, jusqu'à ce que le gars, qui est en train de se faire manger, se réveille en zombie. Et là, man, c'est le plus beau plan de ce segment-là. La fille zombie qui est en train de manger le gars, mais que parce que le gars zombie, parce que le gars se réveille en zombie, elle arrête de le manger, puis les deux se tournent vers la caméra en voulant dire « Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? » Avec un air d'imbécile dans la tête. Mais c'était parfait. Cette image-là résume ce film-là. C'est des zombies, puis on dirait qu'ils ont un apprentissage à faire. C'est ça qui est drôle. C'est pas « je suis zombie, je vais tout de suite me garocher sur un humain ». C'est « je suis zombie et qu'est-ce que je fais? » T'sais, même notre protagoniste zombie, c'est vrai, avant de manger quelqu'un, il va se manger un bras. Il se goûte lui-même. C'est même. Bon, aïe, il se fait mal, j'aime pas ça. Ouais, c'est même que moi, je regardais ça, je fais comme, c'est son bras pour vrai, là? Es-tu vraiment en train de se manger lui-même? C'est malade. Et les trois zombies partent à la recherche de viande fraîche et ils vont tomber sur une fête pour enfants. Et voilà. Et là, c'est le carnage qui commence. Et c'est amusant à fond. Du monde qui meurt à profusion. Ça devient le carnage, mais ça reste. Qu'on va suivre tout ça, c'est clair ce qui se passe. On va sortir des fois un peu de la GoPro de notre protagoniste pour tomber sur une caméra qui filmait la fête pour enfants. Et je passe vite, mais il va y avoir une poursuite entre le zombie et une petite famille qui essaie de rentrer dans une van qui ne démarre pas, évidemment, parce que bon, un char ne démarre jamais dans un film de mort. Notre zombie qui se voit dans la. dans la fenêtre du char, qui réalise un peu, on dirait qu'il est encore un peu humain à travers tout ça, puis qu'il se rend compte un peu de ce qu'il est. Tout ça en ayant une fourchette à steak dans l'œil. Oui, évidemment. Pendant que la fourchette se frotte contre la vitre, écoute, c'est vraiment très drôle. Et là, va après ça arriver un combat avec un gars qui a un bat de baseball en métal, qui se met à calisser des coups à la gueule, mais ça marche pas. Un autre gars qui va arriver avec un 12 qui va se mettre à tirer ses zombies mais qui va se faire avoir, notre protagoniste qui va se faire passer dessus par une van et vraiment passer dessus, et ça j'ai vraiment trouvé ça le fun là. Man, sérieusement, c'est vraiment bien fait. J'ai capoté ça quand j'ai vu ce plan là, j'ai fait comme wow, la van s'en vient vers lui, passe par dessus lui, on voit tout le tour de la van, puis la van qui a fini de passer. Écoute, après ça, notre protagoniste se regarde les jambes, il y a des os qui sortent. C'est vraiment hot. Finit par recevoir non, il ne reçoit pas un appel, c'est vrai. Son téléphone sonne, il entend la voix de sa copine. Non, c'est qu'il y a comme pocket dialé, si on veut. Il a fait un bot dial, pocket dial, puis il a appelé sa copine. Puis on dirait que la voix de sa copine lui fait comme vite revenir un peu à sa conscience d'humain. Il reste l'humanité dans lui. Oui, il reste un peu d'humanité dans lui, puis il réalise un peu ce qui se passe. Prend le 12 du gars qui tirait sur les zombies et se suicide. Et en se suicidant, évidemment, son casque revole et la caméra tombe à côté et on le voit avec la tête éclatée. Fin. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce segment-là? Ben, écoute. Comme je t'ai dit, écoute, le GoPro sur un casque de cycliste, waouh, quelle bonne idée. Direct en partant, j'étais vendu à ce concept-là, je trouvais ça génial. Parce que je savais, bon, écoute, il va se transformer en zombie. Come on, là. On va le voir aller. Il y a des petites lacunes. Le couple de cyclisme qu'il rencontre. Hein? C'est pas les meilleurs acteurs du monde. Hein? Non. Mais tu sais, on parle, tu sais, acting en situation de crise, là, c'est tout le temps difficile. C'est tout le temps là que tu vois c'est là que tu démarques des bons acteurs de des mauvais. Vraiment. Eux autres, ils l'avaient pas. C'était pas dramatique. Je veux dire, ça m'a pas fait débarquer, mais c'était ça tirait un peu. Ouais. Mais quand ils deviennent zombies, écoute, moi, je te l'ai dit, le plan, là. Oui, attends. Oh, oui, moi, regarde, en zombie, ils m'ont fait rire, là. Ils m'ont vraiment amusé. Oui, mais là, ce que j'ai pas aimé de ça, et j'ai trouvé ça drôle, mais on dirait que ça a changé de ton à cause de ça. Parce que je savais plus si c'était drôle, si c'était. Tu sais, il fallait prendre ça le fun. Tu sais, c'est comme le portefeuille. Tu sais, ça a fait comme, ok, c'est-tu supposé. J'étais pas sûr, là, tu sais. La fourchette dans l'œil, c'était comique, man. Sérieux, là, c'était la face dans vite, tu l'entends tout le temps cogner. J'aimais bien ça. J'étais pas trop sûr de la finale, de fait qu'il reste de l'humanité. Puis finalement. Non, mais au début, j'ai fait comme. Puis j'ai repensé. Ah non, c'est cool, là. Comment il reste un peu d'humanité. Tout le long, tu l'as vu, il est comme pas totalement. Tu sais, il apprend à être zombie. Fait que du fait même, il est pas totalement. 100% zombie. C'est ça. Fait que non, j'ai trouvé ça cool. Finalement, là, ça a été un. Tu sais, une grosse. Ben, tu sais. C'est une rigolade. C'est ça, il est en train de faire du bike, là. Une grosse ride, le fun, là. Non, comme j'ai dit tantôt aussi, le plan qui passe en dessous du truck. Wow. C'était génial, man. Puis c'est pas mal, ça. Sérieusement, je te dirais pas que c'est mon segment préféré, mais moi, je te dirais probablement que c'est le segment, je vais le dire tout ça, c'est le segment, je pense, que je trouve le plus faible, mais il est loin d'être mauvais pour autant. Je pense que c'est le segment qui a le moins grande valeur de réécoute. Ouais. Mais je pense que c'est le segment qui, à prime abord, surprend le plus et amuse le plus rapidement. Amuse, oui, surprend, je suis totalement pas d'accord, là, mais amuse, hein? Oui. Ouais, ok, mais surprend, non, c'est plus genre comme, ah, cool, un truc de zombie avec une GoPro. C'est plus ça que je voulais dire par surprend. Non, là, je te comprends. Amuse dans le sens que celui-là, tu mets ton cerveau à côté, puis tu comprends tout le temps ce qui se passe. Dans les autres, il y a un petit, ok, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi l'intrigue? Mais dans lui, c'est clair. Tu te poses pas de questions. Comme tu dis, c'est une ride. Tu la suis. Quand t'es fini, merci, bonsoir. Je me suis amusé. Tu sais, c'est que quand tu vois que ça arrive dans une fête pour enfants, là, on est tous là en arrière de notre écran. On fait comme, all right, ça va bûcher. Ouais, là, c'est ça. Exact. Fait que c'est pas mal tout, mon cher Seb. Pour ce segment-là, je pense que oui. Écoute. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est amusant. Bon, ben regarde, hey, on va y aller en musique. Bon, c'est sûr, notre partner Steph n'est pas là. Fait que je vais y aller puis je vais vous imposer ma musique. Non, mais c'est parce que ça fait depuis que l'album est sorti que j'accueille tout le monde avec le dernier album de Ghost. Puis je dis que c'est bon puis tout. Ben là, je vais vous le faire subir. Fait que je vais vous faire écouter du dernier album de Ghost, l'album Infesté sous Mam. La tune Body and Blood, écoutez ça, nous autres on vous revient dans vraiment pas long avec la suite de VHS 2. This grave will fall behind a dead one's grave. Hey, c'était bien bon, ça. Ouais, mais j'essaie de convertir le plus de monde possible à Ghost. Comme je te disais, en dehors du show, ils m'ont fait, comment je dirais, ils m'ont remis... Renoué. Ouais, ils m'ont remis en paix avec les sataniques que je trouvais pas mal poche dans les dernières années. Ils étaient comme toutes plates, puis je les trouvais pas... Tandis que Ghost sont tellement cool. Ben écoute, ça... Qu'est-ce que tu dirais si on continuait de parler de VHS 2? Allons-y. Ben, je suis pas Steph Terreur, je suis pas capable d'étirer, je connais sur les bandes, puis je suis pas intéressant quand je parle de musique, fait que... On fait juste la passer, puis on l'écoute, puis c'est tout. That's it. Steph, écoute, y a personne qui peut le remplacer là-dessus. Tu nous manques, Steph! Bon, OK. Hey, on vient de revenir de notre segment A Ride in the Park. Et là, nos deux protagonistes, détectives privés, sont dans la maison. Et c'est la fille qui écoute les cassettes et le gars revient voir la fille et la trouve évanouie. En tout cas, elle est à terre et elle n'a pas de l'air affilée. Puis quand il la réveille, elle saigne du nez puis elle est comme « Oh, je file pas, j'ai une migraine. As-tu des pelules, l'aspirine, quelque chose? » Non, j'ai rien de tout ça. Mais hey, tantôt, en s'en venant vers la maison, on a vu une pharmacie sur le coin de la rue. Faudrait que tu ailles me chercher des pilules. Puis elle dit « Viens avec moi. » Puis elle dit « Non, je file pas pour bouger. Fait que vas-y tout seul. Pendant ce temps-là, je vais continuer à regarder des VHS. » Sérieux, tantôt, je te parlais tantôt que j'avais décroché avec le gars qui était sur le laptop et que je comprenais pas pourquoi il la regardait pas. À ce moment-là, j'ai encore plus décroché. Ah ben moi, vois-tu, c'est le contraire. Parce que là, fait comme... Elle est affectée parce que là, lui, il arrive. Oui, écoute, elle est clairement affectée. Elle est clairement affectée. Puis elle essaye, tu sais, on voit qu'elle essaye de l'éloigner pendant qu'elle continue à écouter les VHS. Fait que tu sais, dans ce qu'il disait au début, qu'il fallait écouter les VHS dans un certain ordre, tu vois qu'elle a compris un peu le pattern puis que ça marche. Là, puis qu'elle, elle veut continuer là-dedans. Ça, fait c'est là... clair. Tu comprends tout de suite qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais moi, je m'excuse, à être à la place du gars, je laisserais pas la fille... d'une maison abandonnée qui est en train de pas filer. Il a pas fini d'explorer la maison, mais clairement, tantôt, on l'a pas mentionné, mais à un moment donné, il voit du sang sur le mur, tu sais, une petite trace de sang, puis il mentionne pas la fille, mais clairement, lui, il trippe pas. Tu sais? Ouais. Là, je me dis, moi, si j'étais d'une maison abandonnée, on cherchait quelqu'un qui a disparu, la fille file pas, elle est en train de saigner du nez, elle a une migraine, ben, ça serait, tu t'en viens avec moi dans le char, puis on revient demain pendant le jour, tu sais, je sais pas, j'étais pas capable de comprendre les motivations, mais c'était pas grave, c'était le wrap-up story, puis je savais que tout ce qu'on voulait, c'était caper, supplé, puis qu'on écoute le prochain film. J'ai un petit fuck dans ce bout-là du wrap-up story. Je sais pas si tu l'as remarqué, quand que le dude part pour aller chercher les fameuses pilules à la pharmacie, que tu fais « i », tu l'as vu? Oui. OK, le gars dans le cadrage de la porte, là? Ben, on y en a avait un aussi... Oui, il y en a eu un avant. Ouais. Mais là, on a une espèce d'apparition, tu diras tes souhaits à ta copine. Ouais, hein? À tes souhaits, chérie. Mais c'est ça, on a eu une espèce d'apparition d'un dude dans le cadrage de la porte. Mais la façon que ça a été fait, c'est que c'est une apparition, mais ça a pas marché pas une crise de minute pour moi. Ça a fait comme, ben, on dirait qu'il est en train de filmer, puis c'est comme le perchiste qui s'est enfargé. Ça a eu l'air de ça, le perchiste s'est enfargé, puis il essaie de sortir du frame le plus vite possible. Ça te donne juste un feeling de « Hey, on a voulu te montrer quelqu'un sur le cadre de porte. T'as-tu vu, il y a quelqu'un? » Ouais, mais je m'en fous, là, je veux juste écouter le prochain segment. Honnêtement, je me demandais si c'était voulu tellement que ça... Je sais pas, ben c'était pas naturel. Parce qu'il y avait eu l'autre dans le segment d'avant. Mais l'autre avant, il avait pas eu l'air plus... plus voulu. Mais là, quand ça arrive au deuxième, tu comprends que c'est voulu, parce que sinon tu te dis « Quelle bande d'incompétents! » ça aurait pu être plus freak, hein. Ça a pas marché pour moi. Bon, peut-être que, en tout cas. Ça pas. Surtout que, après le deuxième segment... au deuxième segment, excuse, quand tu le vois dans le cadre de porte la première fois, qui est plus subtil encore, tu te dis quand on va revenir, écoute, il va sauter sa fille, là, il va s'être passé quelque chose. Ouais. Non, il s'est rien passé. Puis là, tu le revois dans le cadre de porte, tu fais comme, ah, ben là, au prochain segment, il va s'être passé quelque chose. Et là, mais avant le prochain segment, faut qu'on parle de Safe Haven. Safe Haven, le prochain segment. Réalisé par... Attends un peu. C'est pas Haven, c'est Haven. Haven, ben oui. Haven, je pense que ça a une autre signification. Je la cherche pendant que t'en parles. Bon, mais faudrait que tu sais, je cherche aussi la façon de prononcer le nom du réalisateur, parce que moi, j'ai son nom, mais... Ouais, c'est... Mon indonésien est pas très très bon. C'est Timo Jatjanto. Ça se dit-tu? En tout cas, anyway. Oui, tu pourrais parler aussi de Garrett Evans. Qui est aussi co-réalisateur. Réalisateur. Mais, c'est plus facile à dire, lui. Sais-tu pourquoi le Timo comme tel, ça me disait un petit quelque chose? Ah, Timo. Non, mais écoute, en écoutant le segment, j'ai reconnu sa face, puis j'ai reconnu la face d'un, disons, un antagoniste du film. C'est les deux champions masturbateurs de ABCs of Dead dans le segment libido que j'avais tant aimé. Man. Puis que je me sentais mal d'avoir tant aimé. Mais ces deux gars-là, de les voir encore ensemble, ça a fait comme un choc. Je dis, hey, Chris, il me semble, il n'y a pas si longtemps, ces deux gars-là se crossaient un à côté de l'autre. Ça a fait comme un petit fuck dans ma tête. Oui, en regardant un flow se faire. Ouais, continue d'être à l'aise. Timo aussi a été co-réalisateur du film Macabre qui est ouf. Vaut la peine d'être vu. Mm-hmm. Tout ça pour dire que, bon, c'est ça, moi, tu sais, les réalisateurs de la relève, je suis vieux. Fait que je les connais pas trop. Fait que je les appelle de la relève, mais c'est tous des dudes qui ont fait leur preuve. Puis, bon, Safe Haven. Parlons-en. Ça commence, c'est vu comme étant un documentaire. On voit que c'est une équipe qui enquête sur une espèce de gourou d'une secte, on peut vraiment dire ça. Qui a pas l'air d'être qui a pas l'air d'avoir une bonne réputation, disons ça. Ils sont dans une espèce de café, ils lui posent des questions, on voit qu'il y a une espèce de malaise, puis qu'on voit que écoute, le leader de la secte est quand même assez fêlé dans ses dires, là. C'en est un qui détient la vérité, puis vous pouvez pas comprendre, mais c'est pas grave. À force d'un petit peu, disons, de manipulation, ils réussissent à aller filmer, à aller tourner un bout de leur espèce de documentaire ou d'entrevue, si on veut. Dans l'espèce de commune, si on veut, de cette secte-là. Ouais. En arrivant, ils sont accueillis. Bon, écoute, je vais la résumer hein, parce qu'il y a tellement de stock dans ça. C'est la plus longue. C'est la plus longue histoire des quatre. Ah, mais c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Oui. Fait que c'est ça. Ils arrivent dans l'espèce de commune, ils sont accueillis. Ils sont accueillis par du monde étrange. Ils font remettre un espèce de collier qui est une fucking copie du logo de Blair Witch. Vraiment. Puis, bon, on comprend assez vite que c'est ça, c'est vraiment une secte où le monde est ancré là-dedans. Le gars viole les jeunes filles sous prétexte qu'il purifie, etc., etc. C'est ça, c'est assez typique. C'est malsain. C'est assez dur, puis tu sais, je veux dire, n'importe qui qui a une tête sur les épaules n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-dedans. On peut peut-être mentionner que le côté first person de ce segment-là est le plus élaboré, dans le sens qu'il y a énormément de caméras. Oui. On a des caméras de surveillance dans la place ou la secte. Chaque protagoniste, les personnes qui font partie du documentaire, autant les caméramans que ceux qui enquêtent, ont chacun une caméra cachée sur eux, plus les caméras qui servent à filmer le documentaire. Fait qu'en tout, il doit y avoir un 6-7 caméras facile. En plus de celles qui ont... qui sont là puis qui ont pas supposé être là parce qu'il y en a plusieurs, tu sais. Je veux dire, il y a quand même pas une caméra dans sa valise de char, mais pourtant. Mais pourtant. Ça dérange pas. En aucun point, ça dérange. J'en parle pour être nitpicky, mais ça dérange pas. Fait qu'on continue pour dire que c'est ça. C'est une visite de la secte. On voit ça. C'est vraiment pas propre. Écoute, n'importe qui a le moindrement de jugement regarde ça. Ça fait comme, eh, Chris. Un autre astite pas propre qui drive du monde, qui manipule du monde. Puis, tu sais, tout pour que cette fameuse antagoniste-là, on le déteste. Comment je dirais ça? Il s'en va s'installer dans son bureau pour faire l'entrevue. Bon, on se rend compte qu'une des disons, je pense que c'est la productrice de l'entrevue. Ouais. Qui se met à avoir des espèces de nausées. On comprend qu'elle sort avec l'intervieweur qui, bon, on se rend compte qu'elle est enceinte, mais elle n'est pas enceinte de lui. On voit tout ça par les caméras cachées. Tout ça pour dire que, bon, elle est enceinte, puis ça file pour son enfant. Il y a une espèce d'élément déclencheur. Notre antagoniste avait tout calculé, l'espèce d'affaire de... ils s'en viennent là, c'est là que ça va se passer. Ouais, ils n'ont pas fait venir là pour rien. Non, c'est ça. Ils savaient qu'ils allaient être là pour le genre de paradis qu'il promet à ses disciples. Exactement. De rédemption, ou en tout cas. T'sais. C'est ça, ils parlent de l'avènement, puis de c'est là que ça va se passer, puis bon, comme défaite, non. Il dit le paradis n'est pas au-dessus de nous autres, il est devant nous autres. Exactement. Puis, bon, ben, c'est ça. Ce qui devait arriver, arriva. Il lâche un call. Un coup que tout le monde est parti, bon, c'est sûr, c'est ça. Comme je dis, la productrice qui est partie vomir, son chum qui est parti chercher une batterie. En tout cas, il se ramasse seul avec le perchiste. Il fait un call à l'intercom, si on veut, parce que la commune s'est faite un peu comme une école secondaire, là, avec un intercom à grandeur. Il se met à faire comme, c'est là que ça se passe. Tout ce que je vous ai parlé, arrêtez d'y penser, c'est là, puis tout. On voit des profs dans des classes qui servent des poisons à des enfants. On voit des adultes qui loadaient leur gun. On voit que ça se prépare pour aller l'être en tabarnak. Là. Ouais. Là, le monde panique. Puis, Le monde, le monde du documentaire. C'est ça. Eux autres paniquent. Ils vont se rendre compte de ce qui se passe. Mais là, on comprend. Ben, au fil de l'histoire, ils se sont dispersés un peu partout dans la commune. Ce qui fait qu'on a des vues d'un peu partout. Qu'est-ce qui va se passer? Ça brasse en tabarnak. C'est difficile à résumer tout ça. Là. Je peux pas, je vois même... Impossible, on va en oublier plein. Malheureusement, on a écouté le film hier, puis même si j'ai vu ce segment-là deux fois, je vais en reparler tantôt. Bon, disons que ça vire en tabarnak. Le prédicateur, disons que ses prédictions étaient justes, disons-le. Ça vire mal en tabarnak, c'est over the top. Il y a des morts, du sang, des démons. oui, des démons. Ouais. Tout ça filmé found footage. Fucking esti de carnage over the top comme un accouchement de démons. Oh, man. Comme regarde, hey, là je vais te dire de quoi. Là. Dis-le. Un accouchement de démons comme j'aurais voulu qu'il y en ait dans Lord of Salem. Oh. Ça y est, je l'ai dit. Moi, je vais te dire, je vais faire une réplique vite à ce que tu viens de dire. Là. Sérieux, là, ça vaut vraiment la peine. $12 le livre Lord of Salem. That being said, fucking carnage over the top. Une finale que, bon, on a dit qu'on spoilait. Ça vaut pas la peine de spoiler parce qu'on a trop résumé. Ouais, on a trop résumé. La seule chose que je peux dire pour ça, over the top, all the way, ça a juste pas de sens. Puis ça se finit avec une grosse joke. Ben, une grosse... Ben, joke. Ben, oui. Je suis parti à rire, mais je riais jaune, tu sais. Ouais. C'est écoute, génial. Il y a des exécutions à pu finir, des têtes qui pètent. Il y a même du monde qui explose pour des raisons qu'on ne sait pas. écoute, il y a des tonnes d'enfants morts. C'est déjà assez écoute, dur. Puis, il y a des zombies. Ouais. Ou des genres de zombies, des démons, peu importe. Je dirais des gens possédés. Ouais. Écoute, on a tout ça dans ce petit segment-là. Garde, fuck it. Seb, ton appréciation de ce segment-là? Écoute, j'ai trouvé que c'était le segment qui était le plus développé. Oui. Dans le sens que les personnages sont bien définis. Ils prennent le temps de développer l'histoire, de nous mettre une montée là-dedans. Tu sais, tu parlais tantôt de l'histoire de la fille sortait avec un tel, mais elle est peut-être enceinte d'un autre. Tu sais, tu te dis, aïe, là, il y a beaucoup de détails pour un court métrage. Ouais. Et c'est pas pour rien que c'est le plus long. J'ai pas checké combien de temps il dure, mais clairement, c'est celui où ce que côté scénaristique, ce sont le plus forcés. Puis même côté réalisation, parce qu'il y a énormément de points de vue. Tu sais, puis jamais on ne manque quelque chose. Tu sais, c'est ça qui rend ce film-là vraiment génial. Mais en même temps, c'est lui qui sort beaucoup du lot. Autant les autres essaient d'avoir un seul point de vue, une seule caméra, tout ça. Lui, va plus dans le film conventionnel. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de montage, il y a des effets de son, tout ça. Mais écoute, j'ai vraiment apprécié ce film-là. J'ai vraiment eu du fun. C'était... tu sais où est-ce que ça, ils veulent en venir, mais c'est pas grave, t'embarques, tu suis la ride. À la fin, ça devient juste du gros carnage, comme tu l'as dit. Et on jubile parce que les effets sont bien faits. Tu sais pas jusqu'où ce carnage-là va aller, mais il va jusqu'où ce qu'il peut aller. T'sais. La finale, t'sais, on a dit tantôt, on a ri. Moi, ça m'a un peu déçu. Surtout, je pense que le manque de budget dans la finale, dans le costume de l'antagoniste final, si on peut dire. Ben, on peut le dire, on dit qu'on spoilait, c'est un démon. Ouais, c'est un démon. Je le préférais quand on le devinait plutôt que quand on le voyait bien. Ah, pourtant, moi, il m'a tellement pas dérangé. Ouais. Ben, tu vois, moi, je le trouvais plus terrifiant quand on le voyait mal. Ça m'a fait penser à la chef de Drag Me to Hell. Vraiment. Ouais, mais c'était très cool, la chef de Drag Me to Hell. Oui, moi, j'adore. À ce moment-là, dans la chef, tu riais, tu sais. Ah, ouais, c'est sûr. Mais écoute, non, sans aucun doute, un des plus. C'est ça, les plus développés, les plus puissants, celui qui a la meilleure valeur de réécoute, parce qu'il y a beaucoup de stock, puis tout le gore, tout ça vaut la peine. Tu sais, ça te saute d'en face, ça arrive de partout, puis t'es juste comme « wow, je veux le réécouter là tout de suite pour comprendre vraiment ce que j'ai vu. » Garde. Entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. N'importe qui me connaît, je suis certain que toi, en écoutant ce segment-là, mm-hmm. tu savais que j'étais pour triper. Moi, quand tu m'as dit, avant qu'on enregistre, il y a un segment que j'ai écouté back-to-back, je savais que c'était lui. Bon. J'hésitais entre lui ou celui du zombie. Non. Mais j'étais pas mal clair que c'était pas mal clair que c'était lui. Écoute, j'ai adoré. Puis j'ai pas juste... comment je pourrais dire? C'était fucking extraordinaire. L'ambiance est pop. Tu sais, c'est le film d'horreur des années 2010 et plus. Là. L'ambiance est pop propre. Tout est malsain là-dedans. Tout est croche. Puis tout est vraiment poussé over the top. C'est ça que je veux. Oui, je suis une gore whore, c'est clair. Puis j'ai été satisfait là-dedans. Mais c'est pas juste ça. Au niveau de la réalisation, c'est fucking magique. Il y a des plans que... j'essaie de comprendre la tête d'un réalisateur qui a ces idées-là. Je me dis, il doit être tordu raide. C'est génial, d'un bout à l'autre. Moi, le costume ne m'a pas dérangé absolument pas parce que... Ben, aussi, je te disais que j'excusais beaucoup plus quand on parle d'anthologie dans les shorts. Mais je pense que même dans ce cas-là, j'ai pas eu besoin d'excuser absolument rien. Je trouve que c'était vraiment près de la perfection. Puis quand je dis près... La seule chose qui m'a moins plu un peu, oui, c'est la finale, le dernier hit, le one-liner placé. C'était correct, c'était vraiment pas mauvais. C'est juste que, tu sais, ça a tellement été over the top tout le long. Mais c'est parce que ça désamorçait tout le reste. C'est ça. Mais quel segment. Juste pour ça, je veux dire, écoute, arrive-moi avec un DVD d'un film de 25 minutes que c'est juste ça. Wow. Ah, oh, c'est fucking extraordinaire. Ce que j'ai aimé là-dedans, là, c'est que, étant donné que chaque protagoniste a une caméra sur lui, mais qu'il y a d'autres caméras autour, j'ai trouvé que la balance entre les moments où on devait vivre certains trucs en première personne, tu sais, où est-ce qu'on devait vivre le malaise des gens. Ouais. Je fais juste penser à la fille qui est en scène, qui se promène puis qui comprend qu'il y a des trucs louche qui se passe. On en a pas parlé, ça, mais elle se tourne d'un corridor, puis il y a quatre personnes bizarres qui avancent vers elle. Tu sais, il fallait que ce soit la première personne, ces plans-là, pour qu'il soit le plus efficace possible. Tandis que d'autres plans qui sont avec les caméras générales pour qu'on voit bien ce qui se passe. J'ai trouvé que c'était très bien balancé et c'était la meilleure façon de nous représenter tout ça. Si ça avait été filmé d'une manière conventionnelle, je pense que ce film-là aurait eu beaucoup moins d'impact. Tout à fait, on n'en a pas parlé, mais cette actrice-là, man, quelle performance extraordinaire, elle m'a jeté par terre, sérieusement. Tu sais, des vrais bons screams naturels là, qui viennent te chercher dans le fond des couilles, ça, c'est une... elle l'a l'affaire, sérieusement. Écoute, j'ai pas arrêté de dire que les années 2000, c'était les années des films européens, avec tout ce que j'ai vu de bon dans le Martyr, dans le Inside, dans le High Tensions, dans le la Horde, dans tout ça. Là, je pense qu'après 2010, là, les Asiatiques, bon, écoute, c'est indonésien, ça, ils sont en train de s'en venir solides, mon homme. Je pense que les années 2010 et plus vont être les années du cinéma indonésien. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'était une remarque, là, mais c'est vraiment juste, ça m'a gossé. Mais ça n'a rien à voir. C'est, dans le premier segment, on avait le gars qui voyait une forme sous son lit, en dessous des draps, en dessous des draps. Ouais. Puis dans ce segment-là, on a aussi amené le gars qui voit un drap par-dessus une forme qui est ensanglanté. Je sais pas pour toi, mais moi, si jamais je vois un drap par-dessus quelque chose d'inquiétant, quand je vais tirer le drap, là, je le tirerai pas où la tête de la personne. Je vais le tirer à bout de bras ou ses pieds. J'ai pas besoin de monter le plus haut possible. Je vais le tirer tranquillement au bout des pieds. À toutes les fois qu'ils font ça, je me dis, pourquoi tu le fais comme ça? Je comprends que c'est pour me faire peur, mais jamais je ferais ça. Ah, c'est ça, c'est le shock value, man. C'est vraiment là. Puis je l'excuse parce que je le veux que ce soit le shock value, mais à toutes les fois, je me dis, c'est pas de même que je ferais ça. C'est-tu que je ferais pas ça? C'est-tu que je ferais pas ça? J'aurais pas les couilles de faire ça. Aïe, aïe. Hey, Seb, sais-tu, c'est pas mal tout pour ce qui est de ce segment. Safe Haven. Honnêtement, là, c'était extraordinaire. Tout ce que j'ai à dire, là, écoute. C'est ça. Si ça arrêtait que ça, VHS 2, j'aurais été satisfait. Ouais. On passe à l'autre. Vas-y. Comment qu'on revient avec notre wrap-up story? Oh, si, bon, je me souviens plus, mais. Ben... Le gars. Ok, ben écoute, je vais y aller. Vas-y pendant que je regarde mes notes. Notre cher détective qui est encore parti. Qui revient. Qui revient avec les pilules, qui est allé chercher à la pharmacie du coin. trouve notre fille par terre morte. Ouais, c'est ça. Là, elle dort pas. Là, elle est morte. J'ai pas compris. Est-ce qu'elle s'est tirée une balle dans la tête? Non. Elle est juste morte. Elle est juste morte, hein, c'est ça. Et là, il capote. Elle est morte. Elle est à terre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Puis là, il y a une cassette que c'est écrit Watch dessus. Ouais, mais c'était écrit Watch comment? Avec du sang. Avec du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres? Oui, okay. Monsieur. Ok, j'avais pas remarqué. Ben, c'est ça. Et le gars, ben écoute, hein, tu sais, entre le cadavre de la fille qui est à terre, que tu pourrais appeler 911 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il peut pas, il est rentré là par infraction. Il peut pas appeler la police. T'as sors de la maison, puis tu l'amènes dans le char, tu traverses deux, trois coins de rue, puis tu dis. Ma blonde, la fille, elle file pas. Mais non. Puis tu remarques pas tous les efforts que je fais pour rationaliser la chose? Ah non, écoute, le wrap-up story était la faiblesse du premier, puis le wrap-up story est la faiblesse du deuxième. C'est ce que je te dis. Et fait qu'il décide de prendre la cassette que c'est écrit Watch Me, puis il la met dans le VHS, et il l'écoute. Parce qu'écoute, c'est tout ce que t'as à faire quand t'as un cadavre à côté de toi. Et il s'en va écouter Slumber Party Alien Abduction réalisé par Jason Eisner. Ben oui, Eisner. Est-ce qu'on l'aime, lui? On voudrait-tu l'avoir dans notre gang d'amis pour lui dire fais-moi des films, man, je t'aime. Ben non seulement Jason Eisner, oui, je voudrais l'avoir dans mon cercle d'amis parce que physiquement il ressemble à beaucoup de mes amis. Puis que, écoute, je suis un fan de ce qu'il fait puis de son travail. J'ai checké de ses making-of puis tout. Ça a tellement l'air du gars le plus sympathique au monde, man. Il est cool, ce gars-là. Ah oui. Puis écoute, pour quelqu'un qui aurait besoin d'avoir un titre de film que ce gars-là a fait, Hobo. Ben, c'est Hobo. with a shotgun. Qu'est-ce que t'as besoin de dire de plus après Hobo with a shotgun? Rien à dire. Alors, comment... excuse, il faut que je leur dise le titre. Slumber Party Alien Abduction. Donc, le dernier segment de VHS 2 qui se déroule dans une maison. Ça commence par une gang de petits kids qui font des coups. Tu sais, il y en a un dans la gang, sa grande sœur, elle a des amis plus vieux, tu sais, elle est adolescente, genre peut-être 16-17 ans, puis eux autres, ils ont l'air d'en avoir 11-12, tu sais. Puis, ils décident qu'ils vont lui faire des coups, genre, ils pissent dans des guns à eau, puis ils vont aller les arroser sur le bord du quai. Pendant qu'elle fait l'amour avec son chum, ils vont aller rentrer dans la chambre avec des stroboscopes, des plein d'affaires, puis ils vont les filmer, tu sais. C'est vraiment des petits maudits. Ah, je me suis tellement reconnu dans ces jeunes-là, man. Ah, puis tu t'amuses, tu regardes aller, puis il n'y a rien eu encore, c'est rien passé, mais tu regardes aller, puis tu fais comme, c'est bien drôle, c'est bien comique, tu sais. Puis elle décide, je vais me venger. Fait qu'elle décide, elle voit son petit frère qui est dans le salon. Toutes ses amies sont dans des sacs de couchage, puis lui, il écoute un film de porn en train de se toucher. Et elle dit, oh, on va le filmer en train de faire ça, et ça va être la honte de sa vie. Fait qu'elle accroche la caméra sur leur petit chien barbette caniche. Petit crisse de chien chapeux que j'aime pas, là. Le petit chien poilu, là. T'es bon dans sortes de chiens, tu vas peut-être me dire c'est quoi la sorte, là. Ouais, c'est un petit Chris. Bon, un petit Chris? Ouais. C'est bon. Un petit Chris de chien. Un petit Chris de chien japeux. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, le petit chien se rend vers le flow. Puis là, surprise, il y avait une caméra sur le chien. Le flow vient de se faire filmer. Et tu t'attendrais à rire, mais à ce moment-là, il y a un flash de lumière, un gros bruit. Et Nasty, ça gros commence. Bruit. Hey, le bruit, c'est vraiment... Là, ça te fait péter tes aiguilles de VU, là, comme dirait François Pérus. Et écoute, rapidement, tu comprends qu'il y a une invasion extraterrestre qui arrive. C'est leur vaisseau spatial qui fait ce bruit-là. Et les extraterrestres sont dans la maison. Et ils les transportent, ils les emmènent. Et là, je vais vraiment avoir de la misère à le résumer. Ben non, parce je pense qu'à date, tu l'as quand même bien fait. Oui, mais à ce moment-là, moi, j'ai trouvé que ça devenait chaotique. Ouais, ben celle-là, mais je pense que c'est voulu, c'est nécessaire aussi, hein. C'est voulu, OK. Regarde, je le résume du mieux que je peux. Le Flo est dans son sac de couchage avec le chien. Le sac de couchage, clairement, se fait traîner dans l'eau. Mais je comprends pas trop. Il se fait sauver par sa sœur. Ils vont se sauver dans le bois. La police arrive. La police disparaît. On sait pas comment. Les aliens arrivent. Ils vont se sauver dans la grange. Dans une grange, ils vont fermer la porte, les aliens vont rentrer pareil, la grande sœur va se faire capturer, le flot va monter sur le toit de la grange, il y a des aliens là encore, il va se faire aspirer par un rayon de lumière avec le chien, mais au dernier moment, va lâcher le chien tombe par terre avec la caméra, on voit le chien en train d'agoniser, mourir, parce que la caméra s'est détachée, et c'est terminé. Un Yorkshire, le chien, juste pour dire, là. À Yorkshire, OK. Ouais. C'est pas mal ça, le résumé. Oui, c'est carrément ça. Puis je trouve que c'est bien expliqué dans le sens que c'est extrêmement chaotique. On est-tu rendu au bout de que je t'appelle? C'est une caméra sur un chien, tu sais. Ouais. Puis pourtant, c'est chaotique, mais ça aurait pu être encore plus chaotique parce qu'on s'entend qu'un chien, là, je l'ai trouvé stable pour un chien. Oui. J'ai trouvé le chien très stable. Ouais, c'est un chien avec des chocs. Bougeait pas mal plus. C'est un chien avec des chocs, c'est normal. Ah, OK. Écoute-moi, ce short-là, je savais, avant même d'écouter VHS 2, que c'était Jason Eisner qui l'avait fait. Fait que je vais peut-être être un peu coupable d'être vendu au fait que je l'ai aimé. C'est que, bon, premièrement, oui, ces personnages sont tellement cool. Je me suis attaché aux jeunes en partant parce que, oui, je me suis reconnu là-dedans. C'est le genre de truc, avoir une caméra plus jeune, j'aurais tellement tout fait ça, man, c'est clair. Le fameux bruit, tu sais, écoute, la première sirène fois qu'on entend. Hein? On dirait une sirène de bateau. Moi, j'ai appelé ça le horn Michael Bay. Non, mais avoue, là. Vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est ça. le Horn Michael Bay, on entend ça dans toutes ces crises de films. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est pas péjoratif, là. C'est juste que tabarnak, ça fait toucher les quilles, puis ah ouais, toute la patente, la première fois qu'ils l'entendent, tu fais comme wow, wow. Puis là, tu sais, tout le monde est comme pas à l'aise. On a-tu vraiment entendu ça? C'est-tu vraiment passé de quoi? Puis ils en font pas de cas, tu sais. Il y a aussi le fait que on a un ou deux sites d'aliens avant que tout se passe, tu sais, dans l'eau pis tout, on les voit. Mais on est là comme, ah, je l'ai-tu vu? C'était-tu ça? C'était-tu correct? C'était-tu mon œil? Qui... Ben, pendant qu'ils sont dans l'eau, au loin, tu vois clairement un vaisseau spatial ou de quoi de même. Ah, ben, j'ai pas vu le vaisseau. Moi, j'ai vu l'alien dans l'eau, vois-tu? Ah, tu vois, quand tu regardes au loin, il y a vraiment une grosse lumière weird, là, au loin. Fuck, vois-tu, il va falloir que je réécoute. J'ai manqué ça. Mais ça, c'est un des gros, gros points. C'est que, tabarnak, il y a plein de petites affaires un peu partout cachées puis discrètes. Dans la poursuite finale, il y a plein d'affaires justement qu'on voit. On les voit très bien, les aliens qui font ci, qui font ça, mais c'est tout le temps là. C'est superbe. Sérieusement, j'ai trouvé ça cool qu'on manque absolument rien de l'action malgré le fait que c'est chaotique à ce point-là. Non, j'adorais ça. Puis pourtant, il n'y a rien de majeur, il n'y a rien de... De fucking, je sais pas, il y a rien de révolutionnaire dans ça, mais c'est bien réalisé tout le long, c'est drette, puis ça marche bien. C'est pas ce que je m'attendais d'un Jason Eisner, curieusement. Non. Mais en tout point, ça l'a marché. Regarde, la caméra est tout le temps bien placée pour qu'on voit des affaires en background, tu sais. En arrière, des fois, on voit des aliens pendant que, mettons, pendant que la sœur sauve le petit jeune, est en train de pas de le réanimer, mais de le ressaisir, si on veut. En background, on voit les aliens qui s'en viennent tranquillement. La caméra est super bien placée pour qu'on voit tout l'air, puis ça chope pas, tu sais. Ça a pas de l'air forcé. Fait que pour ah, ça, tu là, vois, moi, j'ai trouvé que ça avait de l'air forcé tout le temps. Pour vrai, moi, j'ai pas trouvé. Moi, toutes les fois, je me disais, come on, la caméra est sur un fucking chien. Tu peux pas toujours être bien placé comme ça. Ça m'a vraiment gossé. Mais curieusement, oui, ça m'a tellement jamais dérangé. Fait que je trouve ça drôle que tu me dises ça. Mais vois-tu, on a eu deux perceptions bien différentes. Pis c'est pour ça que c'est drôle. Parce que j'ai jamais senti le fait que c'était forcé. C'était correct, tu sais. Parce que c'est, en tout cas, du found footage, on s'entend qu'on a vu... On a vu des situations. Voyons, qu'est-ce qu'il y a une caméra qui fait là? Ouais. Tu sais, même dans le short d'avant ça, Safe Haven, il y avait des bouts, justement, je n'ai parlé, là, la valise de char. Il n'y a pas personne au monde là, qui a une caméra dans sa valise de char. Ben, mais, tu le vois le placer une caméra dans la valise de char, non, mais tu ne comprends pas pourquoi qu'elle laisse là. Ouais, mais c'est ça. Fait que. Non, moi, ça m'a jamais dérangé. J'ai apprécié ce short-là. Quand je te disais, au début, j'aurais pensé être vendu parce que c'est Jason Eisner, mais c'est tellement pas ce à quoi je m'attendais de ce gars-là. Que je pense que j'ai apprécié pour ce que c'est, honnêtement. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi, je savais pas que c'était... Je savais qu'il y avait Jason Eisner qui avait réalisé un court dans ce film-là. Je savais pas c'était lequel. Moi, quand je l'ai écouté, là, je savais pas qui avait réalisé quoi. Je savais juste qu'il y en avait qui avaient réalisé des trucs, tu sais. Je savais qu'il y avait lui qui avait réalisé quelque chose. Je savais qu'il y avait des gars de Blair Witch Project qui avaient réalisé quelque chose, c'est tout. Mais je savais pas qui avait fait quoi. Et quand j'ai appris que c'était Jason Eisner, j'ai fait un méchant saut. Je me suis dit, comment ça se fait que Jason Eisner a réalisé un segment aussi plate? Je l'ai dit. Écoute, ce segment-là, tu l'as dit, les flows sont trippants. Tous les personnages sont trippants. Je m'amusais là à les voir se jouer des tours, là. Mais je m'amusais. Et quand les aliens sont arrivés, ça a fait poing, poing, poing. Écoute, justement, comme je te disais, la caméra toujours bien placée sur un chien, je m'excuse. Si tu veux trouver un prétexte pour mettre une caméra que c'est pas grave, qu'elle reste toujours on, ben sur un chien, c'était pas une bonne raison parce que le chien, ça, j'y crois pas qu'elle est sur un chien. J'avais juste l'impression qu'il était sur une perruque. Tu sais, qu'il y avait une perruque devant parce qu'il y avait un peu de poils de chien, mais j'avais jamais cru qu'il y avait un vrai chien vivant là-dedans. Quand le flow se fait enlever, moi, je me disais, yes, la caméra s'en va dans le vaisseau spatial. Ça va être mon goal. On va assister à un vrai enlèvement. Ben non, tu sais, il se sauve. L'action était chaotique. Les extraterrestres arrivent tout le temps un peu de n'importe où. Ils sont là, puis c'est tout. Ils le sautent d'en face, puis ils réussissent à se sauver. Puis, oups, il y a encore des aliens qui le sautent encore d'en face. Ils réussissent à se sauver. Oups, il y a encore des aliens qui le sautent d'en face. Oups, je me fais pogner par un rayon laser. J'échappe le chien, c'est fini. C'était le segment, j'ai trouvé, qui avait le moins de développement. Mais Non, pas vrai. Celui des zombies avait moins de développement encore, mais j'ai trouvé que au moins celui de zombies avait la capacité de nous entertainer, tandis que lui m'a vraiment laissé froid. Je sais pas si c'est le terme extraterrestre que moi, c'est pas un terme qui m'intéresse habituellement dans les films d'horreur. Ben non, vois-tu, c'est sûrement pas ça. Si je repense à des films comme Quatrième Type que j'ai adoré. Pour vrai. Hein? Pour vrai. J'ai vraiment aimé Quatrième Type. Regarde. Ah ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux? Hey, ça a été le fun le temps que tu étais là dans notre podcast, Seb. on a eu beaucoup de plaisir. Mais non, écoute, regarde, celui-là, ce segment-là, là, j'aurais voulu voir ces flots-là faire des coups pendant une demi-heure. Ça je suis d'accord, mais même puis, moi je suis pas l'éclairage au stroboscope, tu sais, c'était comme une bonne idée là au début là, mais à un moment donné, elle m'a tapé ses nerfs. Écoute, c'est vraiment le segment qui m'a le moins fait triper dans tout le film. Bon. Es-tu pété ta bulle, moi, là? Non, pas du tout. Sérieux, on rit bien, mais je comprends en même temps qu'il est pas... Écoute, moi non plus, je suis pas un gars d'extraterrestre, pas une maudite minute, mais cela, il m'a pas dérangé. Je comprends très, très bien qu'est-ce que tu veux dire, puis honnêtement, j'ai même pas le goût d'argumenter, parce que ça a très, très, très bien de sens, qu'est-ce que tu racontes. Je pense que moi, je l'ai vu comme plus un fun factor que... Je sais pas, je l'ai moins critiqué, je l'ai plus vu du côté gros fun, encore une fois. Là. Ah, ben mais... tu vois, moi le gros fun était là pendant qu'il faisait les tours, mais quand les extraterrestres sont arrivés, j'avais plus l'impression qu'il y en avait du fun. Mais j'avais l'impression ça, que d'un coup le film se prenait au sérieux. C'est peut-être ça, j'ai pas débarqué de cette vibe-là. Ah, ok. Ah, c'est bon, tu vois, moi j'ai tout de suite débarqué. Hey, on a-tu fait le tour de ce segment-là? Hey, on a fait le tour, oui. On prend-tu une petite pause musicale, puis après ça, on y revient on avec la fin de notre wrap-up, puis notre conclusion? Yes. Hey, ben faisons une petite pause musicale. Même album, même band, Ghost Infesté Soumam, la tune s'appelle Monstrance Clock, c'est extraordinairement bon. On se revoit dans quelques secondes. The sound of the Monstrance Clock. Air is cleansed as seminal. Monstrous clock. Sing. Non, mais c'est bon, Ghost, pareil, là. Ah oui, écoute, je vais sûrement y checker ça. T'as pas le choix. Pas le choix, non. Je suis plus dans le show, c'est ça? Ben non, je suis pas un dictateur, là. Non, c'est pas parce que ça fait deux shows qu'on a une équipe diminuée que j'ai crissé tout le monde dehors, là. Ça n'a rien à voir. Au contraire, on a des belles choses qui s'en viennent pour un gamer, mais c'est ça, c'est pour plus tard, on n'en parle pas, parce qu'à tous les fois qu'on en parle, ça chie. Ouais, c'est ça, faut rien dire, putain. Ceci étant dit, on est rendu à la conclusion de notre VHS 2. On retourne à notre wrap-up story, si on veut. Ou, bon, est-ce que ça finit avec une histoire d'extraterrestre? Notre enquêteur qui est sur place. On comprend que sa copine est comme morte. Lui, comment je vais dire ça? Je trouve ça un petit peu étrange du fait que, bon, elle est morte, puis il vient d'écouter le VHS, puis là, bon, il se... Ah! Tu sais, là, le fameux laptop qu'on avait au début, où est-ce qu'on avait le jeune, là, qui... le jeune qu'on cherche, là, il parlait, ben, ça serait le fun de le réécouter. Ouais, c'est à peu près temps. Bon, c'est ça, paye supplé, puis finalement, écoute, le jeune explique justement un petit peu vaguement l'histoire des weird VHS qui est autour de lui, puis que lui, il explique qu'il veut faire un film of his own, là, sa propre curiosité. C'est là qu'il sort, dans le vidéo, on s'entend, c'est là qu'il sort un dos, se le fout en dessous de la gueule et se fait éclater la gueule, mon gars, mal sale. Ah oui. On y voit vraiment la mandibule éclatant en deux, là, complètement débile. Il y a de la misère à respirer, il y a la langue qui perd, on entend le... C'est écœur, hein, ça, j'ai adoré ça. Oui. Je trouve toujours ça cool. Un peu comme dans Brain Dead de Peter Jackson, là, celle qui a la tête bottée, quand elle mange, j'entends tout le temps. C'est malade. Soudainement, notre petite madame, la copine de notre enquêteur, qui était morte à ses côtés, revient à la vie d'une façon assez sec et brutale, saute dessus. Crawl comme... je faisais comparaison tantôt, un peu comme dans l'exorciste, un peu, là, la tête tout croche, Matt Crawley saute dessus, ça devient un fucking bordel, et court dans la maison pendant que notre enquêteur s'en va se cacher dans un putain de placard. On la voit passer à droite, à gauche, puis ça, c'est un moment-là, moi, j'étais en... Tu sais, les nerfs à vif, là. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a comme vision, c'est la porte du placard qui est entrouverte. Bon, on la va passer une fois, l'autre. On sait qu'elle va arriver, mais on sait pas quand. Elle arrive, il matraque une balle entre les deux yeux d'une façon assez phénoménale. On pense que tout est réglé, ça. Tout est beau, tout est content. Mais ce qui arrive, c'est quand on a regardé la vidéo de notre petit ami, l'adolescent, qui voulait faire une vidéo à Vaison avec la mandibule éclatée, lui, là. Il est parti se cacher dans la maison pendant que nos deux enquêteurs rentraient. Mais tu sais, vraiment en même temps, parce qu'on voit tout ça de la façon que la caméra est placée. Fait que là. On se rend compte que finalement, pendant que les autres rentraient, lui, il se faisait éclater la tête. Ils sont arrivés au moment où ce qu'il mourait. Fait que là, les apparitions qu'on a entrevues, que moi, j'avais pas cru pantoute, on se rend compte que c'était lui qui était dans la maison. Ben fuck, il est dans le même fucking placard que notre dude, man, avec encore la gueule totalement éclatée, qui est en train de filmer toute la patente. Puis que c'est ça, après avoir cassé le cou de notre principal protagoniste, regarde la caméra et t'y fais un thumbs up légendaire. Avec la gueule qui pend. Ben oui, tu vois la langue qui s'en va t'y flapper, que ça gorge, c'est malade. Tu fais un thumbs up dans le sens comme hey, j'ai fait mon vidéo comme Jackass style, là, carrément. Oh oui, ah. Et bang, c'est la fin de VHS 2. Seb, je pense que t'étais choqué, rendu là. Rendu là, écoute. Tu sais, là, tu sais, quand je te disais, il y a un laptop avec le gars que vous cherchez qui est en train de se filmer, qui parle, puis il y a des VHS à côté, vous préférez écouter VHS. Clairement, là, il aurait écouté le vidéo sur le laptop. Puis deux minutes après, il aurait vu que le gars s'est fait éclater la tête, puis qu'eux autres sont arrivés tout de suite. Puis il se serait dit « Fuck, le gars qui vient qu'on cherche s'est fait éclater la tête, puis il est dans l'appartement caché. » Mais non, il a fallu qu'il écoute des Moses de VHS, qu'il aille chercher des pilules à la pharmacie, puis qu'il mette une cassette dans le VCR pendant qu'il y avait une fille de morte. Parce que le laptop à côté, qui est probablement la meilleure preuve pour chercher où ce qu'est le gars que tu cherches, ben ça passe en dernier. Non, regarde, j'étais à bout là, de ce segment wrap-up-là. Là. Fait que quand il est arrivé dans le garde-robe, tirer à la fille, tout ça, c'était cool, ouais, tu sais, elle marchait comme tu dis, comme de l'exorciste, je tripais. Mais quand l'autre l'a tué puis qu'il a fait son thumbs up, là, moi, son thumbs up, là, j'avais l'impression qu'il me faisait un fuck you. C'était comme, yes, si, je t'ai eu, c'était vraiment de la merde, hein, mais regarde, je m'amuse pareil. J'étais tanné. Tu sais, je me disais, pourquoi? Pourquoi faire des wrap-up stories s'ils sont aussi merdiques que ça? Ben, moi, mais regarde, j'ai... Mais tu vois, regarde, c'est mon opinion, là, mais j'étais à bout. Ben moi, vois-tu, c'est ce qui a racheté, c'est ce dernier segment-là qui a racheté la chose pour moi. C'était con, c'était drôle. Tu sais, je veux dire, le thumbs up, là, je m'attends, je voulais qu'il fasse ça. Tu sais, on le voit casser le cou, il regarde la caméra, je dis, hey man, ça serait tellement drôle qu'il fasse un thumbs up. Bang, il me fait un thumbs up. Wow. Tu sais, c'est comme le comble du ridicule, mais ça m'a pas dérangé. J'ai comme tout pardonné, ça... C'était cool. Peut-être parce que j'étais satisfait des films. J'étais comme... Ah, j'étais clairement satisfait. Tu sais, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles depuis le début de VHS 2. J'avais ça. Il m'a fait un thumbs up en disant, tu sais, t'as-tu aimé le film, mon chum? Quint, toi. That's it. C'est de même que je l'ai vu. Puis, et voilà. Tu sais, je n'ai pas fait de cas. Je suis conscient que c'était complètement stupide. Puis c'était vraiment épais. Mais, et voilà. C'est ça. C'est comme ça que VHS 2 finit, puis on n'y changera rien. Non, on n'y changera rien, mais c'est pas grave. Regarde, souvent, dans ces anthologies-là, le wrap-up story, c'est le dernier de nos soucis. Seb, ton appréciation générale de VHS 2? Regarde, je pense que j'ai pas le choix de le comparer au premier. Je sais pas si... Je pense qu'il est meilleur que le premier. Dans le sens que le premier, si je prends tous les segments de VHS 2, puis je prends tous les segments de VHS 1, puis je les mets ensemble, VHS 1 a les meilleurs segments, mais a les pires segments aussi. Tandis que VHS 2 a des segments qui sont quand même toujours de bonne qualité. À part peut-être le dernier, là, mais même le dernier, comme je te disais, tout le côté, on s'amuse avec les gars, les flots étaient amusants, tu sais. Tandis que VHS 1, il y a des segments que j'ai pas aimé, tu sais. VHS 2, le seul défaut que j'y donnerais, c'est que il réussissait pas toujours à nous mettre une bonne ambiance. Puis là-dessus, je t'explique, je pense que c'est mon mot est mal choisi. Dans VHS 1, les histoires, c'était toujours des histoires de « mais qu'est-ce que ça va être? » Ouais. L'histoire... on ramasse une fille d'un bar, on l'amène dans la chambre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Le couple qui est en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la nuit qui les regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tueur dans la forêt invisible. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un gars avec une fille qui parle dans la webcam. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas. Mais dans VHS 2, souvent les histoires commençaient puis disaient comme, voici une histoire d'extraterrestre. Voici une histoire de fantôme. Voici une histoire de zombie. Voici une histoire de culte. Tu sais, il n'y avait jamais le « qu'est-ce que je suis en train d'écouter? » Non, il n'y avait jamais ça dans VHS 2. VHS 2, c'était toujours clair. C'était « regarde, on va te raconter une histoire de fantôme. Amuse-toi, mon homme. On t'écoute, on te raconte une histoire de zombie. Amuse-toi, mon homme. » C'était toujours ça. Donc, il n'y avait jamais le mystère. Il n'y avait jamais cette ambiance-là de et je sais pas comment ça va finir, puis je comprends pas vraiment. Là, je vais être obligé de t'arrêter ça. C'est totalement faux. Hein? C'est totalement faux. Pas dis donc. Non, mais le segment, tu dis, ça, c'est un segment de film de culte. Oui. Tu vas me dire que tu t'attendais à ce qui s'est passé. Fuck you! Non, non, mais quand même, tu sais, si tu te dis, OK, un film de culte, qu'est-ce que je m'attendrais qu'il se passe si son culte est vrai? Non, non, non, non, arrête. Non, non, non. Mais attends, regarde. clairement, là, OK? Oui, le film de culte, je peux l'avouer, là, c'est celui qui avait le plus de surprises dedans. Totalement. Oui, c'est lui qu'il y avait plus de surprises que tu savais pas qu'il s'en allait. Peut-être. Mais les trois autres, là, il n'y avait pas de surprises dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, ben oui. Mais, puis, je l'ai dit tantôt, celui de culte, c'est celui qui avait la meilleure écriture. C'est lui qui était le plus complet. Et oui, il allait à des places que tu disais « Fuck, es-tu allé jusque-là? » Oui, il est allé jusque-là. Tu sais, il y avait des zombies, des hommes, des démons, et etc. Mais les autres, c'était clair qu'est-ce que tu écoutais. Puis il n'y avait jamais de surprise, ou presque. Tandis que VHS 1, il y avait toujours la surprise de « ça va être quoi finalement que j'écoute? » Puis bang, un punch. Mais clairement, VHS 2 avait, je pense, plus de budget, avait pris plus le temps d'écrire ses films peut-être. Mais j'aurais voulu, je pense, dans VHS 2, un film de plus. Je pense que chaque film pouvait enlever un peu, resserrer le tout, puis m'en donner un cinquième. Parce que j'en voulais un cinquième. Ouais. Pas parce que je m'emmerdais dans les films, là. Pas parce que je les trouvais longs puis plates. Parce que je voulais un autre. Dans VHS 1, il m'en avait donné 5. Dans VHS 2, il m'en donne 4. Colin, j'en voulais un autre. Si t'aurais une note d'appréciation d'Horror Gamer, qu'est-ce que tu lui donnerais? Écoute, c'est un achat. Excellent, ça. C'est un achat. Je vais en revenir moi aussi sur mon overall du film. Vas-y. J'ai de la misère à le comparer avec le premier parce que je peux pas dire que les meilleurs segments étaient dans le premier à cause justement du segment indonésien. Là. Moi, celui-là, il m'a vraiment renversé. Je trouve que c'est le meilleur. Même la première anthologie aussi, selon moi, c'est vraiment mon préféré. Puis je trouve que c'est ça. Le niveau était supérieur en tout point au premier. Je l'ai aimé, j'ai vraiment aimé. C'est sacrement. Tu sais, un 96 minutes là, que j'ai eu du fun tout le temps. Tout le temps. Fait que oui, moi aussi, ma note, ça se trouve être un achat indiscutable. Puis pas loin d'être un collector edition. Là, je dirais. Fait que c'est un achat certain. Mais écoute, fun time, c'est juste ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ça. Puis c'est des réalisateurs que moi je connais pas beaucoup. Exact. Puis qu'à toutes les fois que je vois des nouveaux trucs qu'ils font, je suis flabbergasté des nouvelles idées qu'ils nous amènent. J'adore ça. C'est un bel exercice de style pour ça. Puis wow, chapeau à cette gang là. C'est ça, fun time. C'est comme ça que je vais le résumer le film. Mm-hmm. J'ai vraiment aimé. Seb, je regarde le temps passer, puis je me dirais qu'il serait temps qu'on fasse un wrap-up de nous autres mêmes. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais un wrap-up de qualité, s'il te plaît. Un wrap-up de qualité? Okay. Pas comme dans VHS. Arrête, c'était pas si terrible. On va finir ça en disant, venez nous liker sur le groupe Facebook d'Horror Gamer. Envoyez-nous des emails. J'ai le goût d'avoir des emails d'auditeurs, des suggestions, vous êtes bons, des vous êtes à chier, je m'en fous. Je veux vous entendre, Peut-être des suggestions, ce serait le fun. Des quoi vous aimeriez nous entendre parler des prochains shows, whatever. Communiquez avec nous. On vous aime beaucoup, chers auditeurs. Puis c'est toujours le fun d'avoir des feedbacks de vous autres. Fait que c'est ça, horrorgamer@gmail.com. Sur le site de funjouerjeu.ca, sur le Facebook d'Horror Gamer. Sur Twitter, c'est aussi Horror Gamer. Toi, Seb, on te rejoint comment? Écoute, sur Twitter, Sébastien Butch. Sinon sur le Facebook de Fun Jouer Jeu ou vous pouvez toujours aller voir ma chaîne YouTube pour mes fans de regarder films avec le nom Jbigeur, J-B-I-J-J-E-R. Ça vient d'où ça? Ah, tu veux vraiment je te raconte? Ok, écoute, c'est beau. Pour une histoire courte, c'est un onomatopée dans Batman où ce que quelqu'un frappe et ça fait Jbige. Et pour nous, quand quelqu'un frappe et que ça fait « jbige », c'est cool. Alors, quelqu'un qui est un « jbigeur », c'est quelqu'un de cool. Je te résume ça vraiment rapidement. C'est bon. Allez, c'est notre... Fait que sur ça, tout le monde, un gros merci de nous avoir écoutés, de nous avoir endurés, parce que je regarde le temps aller, puis sérieux, c'était très long comme show. Pour un show qu'on était juste deux, là, sérieux, on se dépasse. Oui. Fait que c'est ça. Merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve prochainement dans 2 semaines. Hey, puis bonne fête à l'épée légendaire, 2 ans. Bonne fête, l'épée légendaire. Ben oui, on a fait une intrusion, le show, en début de show. Allez, écoutez ça. Hey, ciao!